Bienvenue à Sondage Hockey Édition Week-end pour la semaine du 11 décembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Ah, cette semaine, on a été tellement sages, on peut rien dire contre nous. Notre conduite a été absolument exemplaire. Mais une chance, Mathieu, parce que Jimmy Thibodeau nous a parlé des gens qui commettent des fautes graves et des répercussions que leurs actes peuvent avoir sur la place publique. Aussi, Sébastien Viguertin nous a parlé des nouveaux projets du premier ministre Couillard face à la méchante marijuana. De son côté, Catherine Langlois nous a fait visiter le Madagascar dans sa chronique Voyage. On a également reçu Marc-Olivier Dumas avec Sport et Filoché et Dominique Notmavungu avec Voix d'Afrique. On a goûté à des rouleaux aux dattes et à la noix de coco dans une grosse pointe d'adresse. Et tu nous as parlé d'alcool et de café. Un excellent mélange dans ta chronique Tania is gonna entertain ya. Ben, parlant de mélange originaux, tu disais qu'on a été sage, mais moi j'ai été rebelle cette semaine. J'ai mélangé thé à la menthe et chocolat chaud dans le même verre. Arrête donc. C'était excellent. Hey, si c'est ça être rebelle, tu commences à être vieille. C'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do Tania. Pareil comme Johnny Hallyday. On a lundi. On a le droit. She's gonna do Tania. On a le droit. On a le droit. Donc, Tania Baudin, aujourd'hui, on parle, et c'est un sujet récurrent. Oui. D'alcool. Ben, je vous ai posé la question tout à l'heure. Je vous ai dit alcool, pas alcool. Mmh. Vous deviez faire un choix. Oui. Je sais pas si c'était clair comme ça tout à l'heure en début d'émission, mais c'était comme une question, en fait. Parce que vous savez, le temps des fêtes arrive assez rapidement, merci. Ce qui veut dire que la semaine dernière, on a déjà parlé des parties de bureau. On a déjà parlé aussi de comment bien se tenir dans les parties de bureau. Et bien évidemment, là, vous allez commencer à avoir les parties avec vos amis. Mmh. Parce que, bon, on est à la mi-décembre. À mi-décembre. Et, souvent, on va se poser les questions, est-ce que je bois ou je bois pas? Tu sais, les grosses questions qui tuent. Oui, oui. Aujourd'hui, bien, j'ai des recettes pour les deux. Ceux qui veulent boire ou ceux qui ne veulent pas boire. C'est fin. Donc, je me suis armée de quelques recettes incroyables. Et je dois dire que pour ceux qui vont boire, bien, vos drinks sont quand même très alléchants parce que je me suis inspirée de Bob le chef. Ah oui. Je suis allée faire un petit tour sur son site Internet. J'ai trouvé des recettes revisitées des classiques de Noël, des classiques du temps des fêtes. Et c'est le fun parce que tout à l'heure, on parlait de lait de poule. Le classique, on le connaît. Je pense que pas mal tout le monde a sa petite twist aussi au lait de poule. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de délaisser le lait de poule. Je ne vous parle pas de ça, mesdames, messieurs. Non. Je vous parle de recettes que vous pouvez faire chez vous extrêmement rapidement. Très facile à produire et c'est sûr et certain que si vous vous recevez ou encore vous avez des gens, vous allez chez quelqu'un, vous pouvez amener ce drink-là et ça va faire des heureux autour de vous, ça c'est sûr et certain. Donc on va commencer peut-être plus vers le côté festif de la chose. Peut-être que ça va rejoindre plus les femmes que les hommes, je sais pas, tout est dans le goût, tout est dans les préférences, en fait. Pour ceux qui aiment le champagne ou le mousseux, eh bien ça va vous parler. Les bulles. Oui, exactement, les petites bulles. On parle du champagne coulis. Donc, c'est un drink qui a été créé par Bob le chef. Qu'est-ce que ça prend en termes de temps? Eh bien, ça va vous prendre 5 minutes au total, faire ce petit drink-là. Et ça devrait donner des portions pour 4 personnes. Donc, si on veut doubler la recette, on comprend qu'on en fait plus. Ça va vous prendre 2 casseaux de fraises équeutées et coupées en 4. Ça va vous prendre, bien évidemment, une bouteille de champagne ou de mousseux. Et rappelez-vous qu'il vaut mieux boire un bon mousseux qu'un mauvais champagne. Donc, allez-y, honnêtement, là, dans la qualité, parce qu'on veut que notre drink soit quand même assez bon. Ça va vous prendre aussi 5 ml de vanille, 12 feuilles de menthe et 10 ml de crème fouettée. Donc, on a un petit côté festif dans tout ça, bien évidemment. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas très, très compliqué. Dans un pichet, vous allez réduire en purée les fraises. Vous allez y ajouter le champagne et la vanille à l'aide d'un pied mélangeur. Vous allez bien mélanger le tout. Et vous allez verser dans des flûtes en champagne. Et par la suite, vous allez décorer avec la crème fouettée et la menthe. C'est pas plus compliqué que ça. Un pied mélangeur? Un pied mélangeur. Tu sais pas ce que c'est? Non. OK, c'est un mélangeur, mais juste sur un pied. OK, OK. OK, ça ressemble à un bras mélangeur. OK. OK? Ouais. Bon, donc... C'est un bras mélangeur. C'est comme le bois canadien. Bon, si vous voulez acheter un cadeau à Mathieu cette année, c'est ça que vous allez y acheter. Pied mélangeur. Mais c'est le fun parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec un pied mélangeur. On peut faire des potages aussi. Ça rend la chose beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide aussi pour certains que de sortir son gros malaxeux souvent. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça prend quasiment le même temps que de dire la recette que de la faire. Alors, c'est vraiment... Tania vient d'en faire un en studio live devant nous. Exactement, c'est ça. Vous allez réchauffer l'atmosphère quand même lorsque vous allez boire ce petit cocktail-là en compagnie. Et bien évidemment, on souhaite que la compagnie soit bonne comme autant que le drink. Qu'elle fasse pas faillite. Exactement. Donc, c'est une boisson qui pourrait être dite dessert aussi. Vous pouvez ne pas la boire en début de soirée, mais vous pouvez la servir, par exemple, au dessert ou au digestif. Ouais. Pour certaines personnes, la crème de menthe, c'est pas tant le fun. C'est pas... En tout cas, hein? Okay, la crème de menthe, c'est ça, c'est intense. Donc, pour certains, peut-être que le champagne coulis pourrait très bien venir remplacer la petite crème de menthe. C'est sûr que ça n'a pas nécessairement le même effet digestif que la crème de menthe, mais allez pas consommer ça avant d'aller manger une grosse tourtière, mettons. Mm-hmm. T'sais, on va y aller avec un temps quand même assez spécifique dans la soirée. Ouais. Et si vous êtes un petit peu plus cheap, mais en même temps que vous avez un Soda Stream, est-ce que vous pensez la nouvelle? Non. Il va y avoir du Soda Stream champagne. Ah, en Allemagne seulement. Ah, oh, tristesse. Ouais, c'est drôle. Quand même, c'est des bulles, mais avec un petit peu de saveur de champagne. C'est ça. Un autre classique qu'on connaît bien, c'est le cosmopolitain. Je pense que pas mal tout le monde sait qu'est-ce qu'un cosmopolitain. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mélange d'alcool, vodka, jus de canneberge et tout le troisième m'échappe. Je ne pourrais vous dire. Malheureusement, pour c'est le bon. Troisième, ouais, c'est ça, c'est bon. Mais là, on vous fait une recette revisitée pour le temps des fêtes. C'est le Christmaspolitain. Ah, okay? Le jeu de mots, toi. Ah, c'est merveilleux. Ça a l'air vraiment bon, OK, honnêtement. Ouais. Ça va vous prendre 2 minutes à faire, mais pour un seul cocktail. Okay. Donc, évidemment, si vous voulez en faire 12 pour 12 invités, ça va vous prendre 12 minutes. Calculez le temps, OK? Ça va vous prendre 1 once et demi de cognac, 1/2 once de Cointreau, qui se trouve à la SAQ, un demi-once de lime, 1/2 once de sirop de canne de Noël. Ça va vous prendre 1 once de jus de canneberge et 1/2 once. Tu peux te reprendre parce que c'est 1 once de toute façon. La prononciation va peut-être aller mieux. T'sais. C'est ça, 1 once, merci. Ah, tu vois, ça se dit mieux. De blanc d'œuf. Donc, comment est-ce que ça fonctionne de ce côté-là? Bien, pour la garniture, vous allez avoir besoin de canne de Noël que vous allez casser. Ah, bonne idée, oui, j'aime ça. Vous allez mettre un petit peu de jus de lime autour de votre coupe et vous allez bien évidemment traîner votre coupe dans la canne de Noël pour que ça fasse un petit rebord, là, comme on connaît avec certains drinks. Et la marche à suivre, c'est très, très facile. Vous allez mettre dans un shaker tous les ingrédients. Donc, le cognac, le Cointreau, la lime, le sirop de canne de Noël, le jus de canneberge et le blanc d'œuf. Vous allez filtrer le tout. Bien évidemment, vous allez shaker, là, OK, on s'entend. Vous allez shaker vigoureusement tous les ingrédients. Vous allez filtrer tout ça, mais au-dessus de votre coupe... Avec un tamis. Exactement, avec un tamis. La coupe, préférablement, on va la mettre au froid avant de pouvoir servir et commencer à faire ces drinks-là. Et par la suite, bien, vous faites décorer avec, par exemple, une petite branche de romarin ou encore, on a concassé des cannes de bonbons tout à l'heure, on peut remettre un petit peu de cannes de bonbons sur le dessus et ça vous fait un Christmaspolitain. Quelle bonne idée! C'est excellent. En tout cas, celui-là, il a l'air vraiment bon. Ouais. C'est ça. Par la suite, le troisième que j'ai à vous présenter, qui a été encore une fois créé par Bob le Chef, je pense qu'il va faire plusieurs heureux durant le temps des fêtes, parce qu'il y a du bacon. On parle d'un cocktail au bacon et à l'érable. Bizarre. C'est un peu bizarre. Par contre, vous allez voir, ça a l'air excellent. Ça prend 2 minutes à faire et ça va vous faire 2 verres. Donc, on parle de 2 verres dans des coupes à martini. C'est un petit peu ce qu'on veut revisiter, en fait, mais dans le sens de Noël, encore une fois. Qu'est-ce que ça prend? C'est 3 onces de crème d'érable sortilège. Mmh. Qui aime pas le sortilège au Québec? Ah. Je pense pas qu'il y ait grand monde. Okay, c'est bon. 3 onces de vodka Kamouraska au bacon. OK, ça vous prend celle au bacon, okay. Là, parce qu'on vient de dire qu'il y avait du bacon dans le drink. OK? Et ça vous prend de la glace aussi. Donc, la marche à suivre, c'est pas très compliqué encore une fois. Vous allez mettre tout ça dans un shaker. Vous allez déposer les glaçons, la crème d'érable, le sortilège et la vodka au bacon. Vous allez agiter très vigoureusement pendant 4 à 5 secondes. Et par la suite, comme pour le Cosmopolitan, vous allez filtrer. Certains shakers ont déjà un filtre intégré, là, donc si vous êtes ceux qui ont déjà un filtre, ben félicitations, ben oui. On est bien contents pour vous. Et vous allez verser ça dans des verres à martini ou autre, selon votre goût. Mais je dois vous avouer que c'est quand même assez cute dans un verre à martini. Et par la suite, vous allez servir aussitôt que c'est fait, parce qu'on veut que ça reste quand même froid. Mm-hmm. Et ça vous fait un cocktail bacon et érable. On sert pas ça avec une tranche de bacon, rien? Ben, si vous voulez. Si vous voulez. Vous faites glisser une petite tranche de bacon sur le côté du verre à martini. Je vous avouerai que apparemment que c'est un préféré des hommes dans certains parties. Ça a l'air bizarre, pour vrai. J'ai de la misère à l'imaginer, ça. Ah ouais? Ouais. Ben, pas moi. Non? Non, moi, je me dis qu'au contraire, ça doit être très, très le fun. OK. Certaines personnes doivent être très contentes. Sûrement. Je l'essaierai, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Si vous consommez tous ces petits drinks-là, eh bien, j'ai quelques trucs pour vous, quelque chose à faire avant d'aller se coucher quand on a trop bu. Advil, le verre d'eau. Exactement. Donc, si jamais vous êtes de ceux qui aiment festoyer durant le temps des fêtes avec de l'alcool, bien, la digestion, ça exige parfois un effort quand même assez énorme de la part de notre foie. Alors, quand la soirée est un petit peu trop été arrosée, là, que ce soit durant votre partie de Noël... T'es le pied mélangeur pas mal. Exactement. Bien, en premier lieu, on va essayer de boire beaucoup d'eau. Parce que, bon, il faut s'en remettre, hein, il faut s'hydrater. Tandis que, justement, on a de la difficulté à gérer l'alcool, bien, l'organisme va souffrir de déshydratation pendant ce moment-là. Et c'est ça... J'ai de la difficulté ce matin. Ben, non. Mais c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir de la difficulté, en fait, à s'en remettre, parce que c'est souvent ça qui va provoquer des migraines le lendemain. Donc, la déshydratation, on veut vraiment s'hydrater pour pouvoir se lever le lendemain matin sans nécessairement avoir une grosse migraine. Donc, avant d'aller se coucher, c'est recommandé de boire beaucoup d'eau, au moins un litre d'eau. Wow. Et d'en boire également lors de la consommation d'alcool. Ça, je pense que c'est un classique. Parce que, bon, même si l'alcool peut agir comme un sédatif et ça peut nous aider à nous endormir, bien, la déshydratation, elle, va venir perturber le sommeil. Et on le sait, durant le temps des fêtes, plus on est capable d'avoir un sommeil un sommeil qui va être bon réparateur, pour nous, ouais. Réparateur, bien, ça va être mieux, hein, parce que si on a 5 parties de Noël en 5 jours, on veut pas nécessairement arriver là-bas avec des mal de tête déjà préétablis. Mm-hmm. Ça serait moins bon. C'est pas de le créer chaque soir, ton mal de tête. Exactement, exactement. Et non pas traîner celui d'avant. Tout à fait. Là, je sais pas pourquoi, mais mon ordinateur fonctionne plus. Ah, bon, ben, Colin. C'est merveilleux, j'adore ça. On peut continuer dans quelques instants? Oui, tout à fait. Bien, en fait, je vais tout simplement continuer avec les recettes de sans alcool. Okay. Parce que je vous ai présenté quelques recettes avec alcool, mais sans alcool pour les gens qui veulent festoyer aussi. Mm-hmm. C'est quand même assez le fun de pouvoir voir certains mocktails. On se rappelle, on en a déjà discuté. Et c'est sûr et certain aussi que on connaît les classiques. Mojito, Bloody Mary. Mais lorsqu'on n'a pas d'alcool dans tout ça, parfois, on va juste mieux se sentir le lendemain matin. Donc, certaines recettes du temps des fêtes, eh bien, on peut avoir un cocktail tonique aux agrumes, au miel et à la menthe. Mmh. C'est très facile. Ça prend 15 minutes, en fait, à faire. C'est sûr que le cocktail tonique va être fait avec du tonique, donc ouais. On n'aura pas d'alcool à l'intérieur. On va aussi pouvoir prendre des agrumes, nous-mêmes les presser, au lieu de mettre du jus d'orange déjà tout fait. Pour savoir d'où viennent chaque affaire. T'as, exactement. T'as tes propres fruits. T'as tes propres fruits. Tu vas passer ça, encore une fois, au shaker. Mm-hmm. On peut aussi les écraser pour ce qui est des agrumes. Ça dépend vraiment du goût que vous voulez aller rechercher. Et on va y ajouter de la menthe. La menthe, en fait, on va venir la couper très, très finement et on va l'ajouter au cocktail. Parce que ça va donner un petit goût, bien évidemment. Et une fois coupé, bien, les saveurs vont tout simplement venir se mélanger au reste du mocktail. Donc, ça va donner un petit goût menté. Mais vous allez avoir l'opportunité aussi de le boire. Bon, c'est sûr que d'avoir de la menthe de pognée entre les dents, c'est pas bien, bien le fun. Mais vous allez pouvoir la mâcher. Ce qui va faire en sorte que vous allez avoir une bonne haleine malgré tout au long de la soirée. Tellement. Donc ça, on adore ça. Sinon, il y a un cocktail canneberge carotte sans alcool. Ah ouais. Oui, on va y aller avec, avec 5 minutes de préparation. C'est pas très compliqué, encore une fois. Pour les carottes, bien, je vous suggérerais en fait un petit peu de jus de carotte. Et vous pouvez aller chercher du biologique. Vous allez vraiment avoir le goût là, de la carotte qu'on connaît bien. Ça va vous prendre aussi des tranches de gingembre, sachez-le. Et une demi-branche de citronnelle coupée en deux. La préparation est très facile. Vous allez mettre dans un shaker le jus de canneberge et le jus de carotte. Vous allez couper 5 tranches de gingembre frais et vous allez les mettre dans le shaker. Vous allez mettre de la glace et vous allez shaker le tout ensemble. Par la suite, vous allez couper la branche de citronnelle en deux pour avoir, par exemple, 2 petits bâtons à mettre dans le verre, comme si c'était des bâtons de cannelle. Et vous allez servir le tout dans un verre de type pot maçon ou encore un verre de votre choix. C'est comme vous le désirez. Et ça va vous faire un petit cocktail quand même très, très cute à voir de ce côté-là. Pas de raisin sec là-dedans? Pour aller avec la salade de carottes. Ce serait beau. Non, je suis désolée. Ah, j'avoue, hein, canneberge, carottes, raisins secs. Le prochain, très facile à faire, 3 minutes à préparer. Ça va vous en faire seulement un, mais si jamais vous voulez augmenter la quantité faites de verre à faire. Faites vos formules mathématiques et, vous-même. Exactement. Ça s'appelle le Christmas Collar. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Collar comme dans de la couleur, comme un collier. Ou un col. Un col. Comme un col. Ça va vous prendre du sirop de châtaigne, du sirop de chocolat blanc, du jus de canneberge et une demi-gousse de vanille de Madagascar. Ooh. OK, on est très précis ici. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, vous allez ouvrir la gousse de vanille en deux. Vous allez récupérer les graines à l'intérieur comme on voit souvent dans certaines recettes. Vous allez mettre tous les ingrédients dans un shaker avec les graines de vanille et de la glace. Vous allez shaker pendant 10 secondes et par la suite, vous allez verser en filtrant les glaçons. Puis vous allez compléter avec le petit acidulé du citron. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher une petite ben ça s'appelle du bitter lemon, en fait. Là. Vous pouvez acheter ça à la SAQ ou vous pouvez acheter ça dans certaines épiceries aussi. Donc, c'est vraiment juste l'amertume du côté du citron que vous allez aller rechercher. Et par la suite, vous allez servir dans des glaçons dans un verre. Vous pouvez remplacer le sirop de châtaigne par du sirop d'érable si jamais ça vous intéresse. Vous allez avoir le petit côté un petit peu plus québécois. Ben oui. Et c'est très, très bon aussi. Y a plusieurs recettes de mocktails que vous pouvez essayer. Il y a plusieurs recettes de cocktails aussi que vous pouvez essayer. Tout dépend si vous voulez avoir de l'alcool à l'intérieur ou pas d'alcool. Vous pouvez aussi alterner durant la soirée. C'est ça, j'allais dire. Tout à l'heure, on parlait de bien s'hydrater pour pas avoir nécessairement un mal de tête le lendemain. Bien, si vous alternez entre un cocktail et un mocktail, déjà en partant, l'hydratation va être un petit peu... va être meilleure de ce côté-là. Tu peux prendre de l'eau quand même. Tu peux prendre de l'eau pareil aussi si vous êtes intéressé. Mais de faire l'alternance entre alcool, pas alcool, c'est vraiment votre choix. Et finalement, pour ce qui est des petits trucs pour pas avoir nécessairement une gueule de bois le lendemain de votre petit party de Noël, bien, il faut manger. Il faut pas manger n'importe quoi, sachez-le, parce que quand on a trop bu, on a tendance à avoir envie de manger des aliments qui vont être gras. Du fast food, ouais. Exactement, qui vont être très salés ou très sucrés. C'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. En fait, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller chercher des vitamines C et B6, parce que ça contient de bons ingrédients. Ça a aussi des sels minéraux, donc on va y aller avec du jus de tomate ou du jus de légumes. Hein? Un bouillon salé, du pain. Du Bovril, c'est ça que tu veux comprendre? Non, du pain. Non, le bouillon salé. Du Bovril. Ben, écoute, ça dépend. Oui. Il y a du bouillon de poulet un peu partout. Là, pas nécessairement d'être obligé d'être Bovril. On peut se manger aussi un œuf. Sachez-le, parce que c'est bon quand même pour la santé. On peut boire de l'eau citronnée ou des fruits frais. Par exemple, pas les fruits trop acides comme l'orange, parce qu'avec l'alcool, ça va faire en sorte que vous allez avoir des brûlements d'estomac, mais plutôt les aliments qui sont conseillés justement pour rétablir un petit peu l'équilibre de notre corps au plus rapidement. Et bon, c'est sûr, les deux Tylenol, c'est un classique. Alors, si on met tout ça ensemble, nourriture pas trop grasse, de l'eau pour bien s'hydrater et des Tylenol juste pour être sûr que l'eau va faire la job quand même, ça devrait faire en sorte que vous allez pouvoir avoir un sommeil récupérateur pour vos différents parties durant le temps des fêtes. Hey, ça donne envie, ça, hein, de boire et d'aller se coucher après. Oui, en effet. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain ya tous les matins. Marc-Olivier Dumas qui est là pour son petit segment sportif, sport et philosophie.

La santé mentale. La santé mentale, ouais. Psychothérapie au privé par la RAMQ. Malheureusement, la balloune fut pétée. Parce que quand j'ai fait ma chronique, j'ai fait un truc que je déteste que je déteste quand je me prends à le faire, c'est que j'en ai parlé trop vite. Ça a changé. Est sorti les chiffres reliés à ça. Et bon, en gros, c'est 35 millions qui est budgété. On calcule qu'on va... qu'on devrait couvrir 600 000 consultations en psychologie par année avec ça, qui devrait desservir 240 000 personnes. Si on fait le calcul... Ça fait genre une session et demie? Ça fait une session... En fait, ça dépend comment tu le calcules. Ah, OK. Parce que ce qui arrive, c'est que tu prends le 35 millions, tu le divises par personne. Oui. Ça fait 140 quelques... Ça fait 140 quelques dollars par année. Par on parle de personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui c'est utilisent ça. Ces services-là. Oui, calcule 240 000, donc 3 % de la population du Québec. Or, il y a des études qui vont jusqu'à dire qu'il y aurait jusqu'à 19 % de la population du Québec qui ont besoin d'aide psychologique. Parce que c'est ça. Couvertes par ça. Les chiffres qu'on a de gens qui consultent, ce sont des gens qui ont pu se permettre de consulter. Alors que l'argent était supposé aller à des gens qui ne peuvent pas se permettre de consulter. Donc, ça augmente le chiffre. C'est ça. Ben, c'est qu'il faut calculer. Bon, en partant, là encore, ça reste dans les zones grises de ce qui n'a pas été dit. Puis de ce qu'on n'est pas sûr, mais étant donné que ça serait couvert par la RAMQ, ça fonctionnerait un peu comme l'assurance médicaments, c'est-à-dire que si tu as une assurance privée t'as pas le choix de la prendre. Avec ton employeur, quoi, t'as pas le choix de la prendre. Okay. Ce qui fait que, ben, il y a déjà des gens qui n'auront pas à être couverts. Bref, donc, le chiffre du ministre Barrette, ça, de ce point de vue-là, le 240 000 personnes, bon, ceux-là, on va y laisser, ce chiffre-là. Par contre, le problème, c'est dans le budget qui a été débloqué. C'est que si on calcule déjà juste 240 000 personnes, puis on divise par 240 000, le 600 000 consultations par année, ça donne 2,5 consultations par personne. Ouais. Ce qui est totalement insuffisant. Puis si tu calcules le montant par consultation, ben 140 $. Il y a certaines régions au Québec, si vous allez à Montréal, c'est 120 $ une consultation de psychologue. Mais quand même, de l'autre côté, il faut dire que... c'est te faire payer une session ou deux versus pas t'en faire payer. Non, c'est un pas dans la bonne direction. Ce que je vais lui donner, c'est qu'au moins, c'est qu'il a au moins ouvert la porte à reconnaître qu'il fallait faire de quoi sur ce sujet-là. Mais c'est souvent aussi une session que ça prend pour que le professionnel devant toi te dise... t'en as besoin de plus. Oui, c'est ça. La première, c'est vraiment juste pour te tester, c'est te faire remplir des tests. C'est que, en fait, là, je vais sortir. Ça donne que j'ai un bac en psycho. Oui. En fait, on appelle l'anamnèse les premières rencontres parce que souvent, ça n'en prend plus qu'une. Mm-hmm. Ça, c'est juste les rencontres où ce que, en gros, en tant que toi, quand t'es la personne qui reçoit l'aide psychologique, c'est juste le temps que tu comptes ta vie. Oui, ouais, c'est ça. On calcule que dans une thérapie normale, c'est sûr qu'on y va au prorata de le temps que ça prend. T'sais, on sait déjà un peu c'est quoi le problème quand on commence à consulter. Il y a certaines affaires qui se règlent plus vite que d'autres, fait que c'est en fonction de ça, mais ça peut aller pour des problèmes des problèmes de santé mentale plus complexes. Ça peut aller jusqu'à facilement 3-4 rencontres là, que tu fais rien que compter ta vie pour donner le bon contexte au thérapeute pour qu'il sache quoi faire avec ça après. Tu appelles ça une... anamnèse. Ah, c'est un terme très technique. Je préfère la sauce à malade. Mayonnaise. Sauf la salade. OK. Bon. Imagine mon plante. Oui. Donc, c'est ça. Bref, puis c'est qu'à la base, ben, l'idée de ça, c'est que c'est pas bon. Ben, moi, je décide que je veux faire du travail personnel, fait que je me paye un psy. C'est pas dans ces cas-là. Faut que tu aies un diagnostic fait par un médecin quand même qui te dise. J'en ai parlé la semaine dernière. Mettons, comme pour régler une dépression, les meilleurs soins que tu peux avoir pour une dépression, c'est des antidépresseurs avec pendant au moins un an avec une thérapie avec un suivi thérapeutique par un psychologue. C'est ça le meilleur moyen de se sortir d'une dépression, d'en sortir réellement guéri et non de se mettre à éventuellement filer mieux et que tu retombes la prochaine fois que tu es un peu stressé. Ouais, exact. Tu sais, régler le problème là, à long terme. Là. Contrairement à, mettons, juste patcher le problème. Ouais, exact. Donc, thérapie pour une dépression, souvent dépression, tu sais, je parlais un peu, j'ai fait un peu la distinction entre un burn-out et une dépression la semaine dernière, qu'en gros, le burn-out, c'est une catégorie pour les assurances, c'est-à-dire c'est l'épuisement professionnel. C'est ça. Or, tu fais jamais vraiment un burn-out uniquement, tu fais toujours réellement, tu fais une dépression parce qu'il n'y a jamais rien que la job là-dedans. Ouais. Tout en souffre et tout en impliqué, tu sais, c'est c'est des échanges et des... bref. Donc, ça pour dire que je voulais revenir là-dessus rapidement. Je veux pas passer mon 20 minutes qui me reste là-dessus. C'était simplement pour expliquer mon... on a eu des chiffres, là. On a eu des chiffres, puis c'est ça. C'est moins enthousiasmant que ce que je pensais la semaine dernière, mais au moins, ça reste néanmoins un pas dans la bonne direction. Ce que je voulais discuter aujourd'hui, on va rester un peu dans la même crew, c'est qu'en fait... Ben oui, puis non. En fait. Dans la même crew, c'est-à-dire libéral ou... C'est ça, oui. <Okay. rire> C'est que... je veux parler de l'égalisation de la marijuana. Ah, ben oui, Colin, certainement. Ben oui. Les gros sujets, toi, ben chose, oui. Depuis deux semaines. Ouais. Toi, chose, hey! C'est que aujourd'hui... T'es la deuxième personne de ma vie que j'entends dire toi, chose. Pas vrai? C'est genre le grand-père de mon ex qui dit ça. C'est comme, OK... Ben, c'est un homme bien. Ben oui, il est très, très classe. Mais c'est très, très québécois, ça. Ben, tous les choses. Mes grands-parents disaient ça, tous les choses. Yarsou. C'est quoi ça? Ben, tu sais, il est arrivé en quelque part. Yarsou, toi. Yarsou quelqu'un? Ah, Yarsou. Non. Johnny Yarsou, ici, la semaine passée. Jamais entendu. Yartonti. Yartonti, ouais, même genre de... Quel bon vent même, là. Quel bon... Non, ça, c'est trop classique. C'est littéraire. Mais vas-y, avec la marijuana. Oui, la marijuana. Bon, ben, comme fut... tout le monde est au courant à Star, il a même fallu qu'il calme les ardeurs un peu là-dessus. Une des promesses électorales du PLC, donc des libéraux fédéraux, était de légaliser. Donc, dans le sens de décriminaliser et d'encadrer la vente de la marijuana récréative. Donc, pas pour des raisons médicales. Non, vraiment, récréative. Mm-hmm. Tu fumes un joint pour le fun, parce que ça te tente. Pareil comme on prend une bière. Puis d'ailleurs, cette analogie va continuer tout au long de ma chronique, parce que c'est ça qui est le plus important. Comme les deux personnes qui sont avec moi dans le studio présentement peuvent le constater, je n'ai pas de notes ce matin parce que ce sera une chronique avec podcast. Mais c'est qu'en fait, c'est délibéré parce que c'était une chronique un petit peu plus que j'aimerais appeler plus une chronique d'humeur. C'est-à-dire que c'est pas une chronique de informative ou quoi. Style éditorial. Ouais, plus éditorial que ce que j'ai fait cette session aussi. Faut que j'imite Gravel le matin à Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Moi, malheureusement, je peux pas imiter. J'aimerais imiter. Rosalie Vaillancourt. Ben, notamment. Guillaume Wagner, ouais, c'est ça. Je suis pas aussi drôle que Rosalie Vaillancourt et j'ai pas un toupet aussi magnifique que. T'as pas une voix aussi gossante. Comment elle s'appelle, Colin? Une voix aussi gossante. Catherine Etier. Ouais. Mais t'aimes peut-être pas sa voix, mais elle est malade, cette fille. Ouais, très, très drôle, il faut dire. Mais ma préf, ma best. Parfois, en tout cas, c'est ça, hein, on fera pas le jugement de Rosalie Vaillancourt un matin. Fait qu'on parlait de marijuana. Fait que c'est ça. Ah ouais, Rosalie Vaillancourt, c'est vrai, mais elle-même a fait des jokes sur le fait qu'elle a une voix fatigante. Ouais, ouais, je sais, mais c'est ça qui est drôle. Je pensais que tu parlais de Catherine Etier qui a une voix fatigante. Non. Catherine Etier pas une voix fatigante, anyway. Non, c'est ça. Bref, c'est la grande sœur de Rosalie Vaillancourt. Ouais. C'est drôle. Là. Bon, anyway, c'est ça. Donc, chronique d'humeur un peu. C'est que, dernièrement dans l'actualité, ben, tu sais, on le sait, c'est prévu. On parlait du 1er juillet 2018 pour la légalisation. Okay. Bon, on le sait. Bon, là, le gouvernement... Puis là, il y a une grosse question d'image là-dedans, je trouve. Il y a une grosse gimmick là, autour de ça. C'est que, tu sais, c'est récupéré de tout bord. On le s'entend, c'était une promesse électorale du PLC. Mm-hmm. C'est peut-être même ce qui a le plus... c'est peut-être une des choses qui a beaucoup contribué à l'élection du PLC aux dernières élections. Ah. Pourquoi? Parce que ça touche les jeunes qui ne votent pas normalement, puis ça a fait sortir en partie un certain vote de jeunes qui sortent peut-être pas, qui sont allés voter pour le PLC. C'est des fois en parlant des libéraux. Oui, c'est ça. J'ai pas suivi les mots qui te glissent dans la bouche. Ouais, c'est ça. J'ai pas suivi du tout le dossier. Les jeunes veulent que ce soit décriminalisé? Ben oui. Je croyais qu'ils aimaient ça, que ça... Ça soit criminalisé. Ben, c'est un challenge. Ben non, quand je dis les jeunes, je dis pas les kids de 15-16 ans. Ah. Ils ont pas le droit de vote à néo. Je parle de monde 34, comme nous. Ouais. C'est ça. Les 18-34, c'est ça. Tu sais, on est très déstigmatisé pour notre génération. Je trouve que le pote est très déstigmatisé et justement, ça paraît. Parce qu'au fédéral, on dit, bon, il était temps qu'on le fasse. Il y a de la recherche qui s'est faite sur le sujet. Ça a été fait, bon, évidemment, ça a été décriminalisé dans d'autres pays, y compris aux États-Unis. Puis quand les États-Unis sont plus progressistes que toi, c'est ça. Commence à te poser des questions. C'est ça. Fait que ça a été assez démontré dans la littérature scientifique qu'en fait, ça coûte beaucoup plus cher à l'État de garder les drogues douces, récréatives, criminalisées que décriminalisées. Pas parce qu'il n'y a aucun danger, mais parce que les dangers, les problèmes sociaux reliés à ça, les dangers reliés à ça ne justifient pas ce que ça coûte en emprisonnement, en mesures judiciaires, en police, ainsi de suite. Ça coûterait beaucoup moins cher à l'État de faire en fait ce qu'on va faire là, c'est-à-dire de le d'en encadrer la vente, de l'égaliser évidemment, puis même d'en profiter en fait un peu de cette vente-là, c'est-à-dire que ça va être un peu comme ce que ça sent en ligne, c'est qu'en fait ça va être une filiale de la SAQ qui va être... au Québec, en tout cas. Ouais, ça va être... Je pense que c'est SAC, hein? Société... Ouais. Non, c'est le contraire, non. Il me semble. SCQ. SCQ. Ouais. Ouais, Société du Cannabis du Québec. Il a dû trouver un acronyme avant de trouver le nom. À la place de faire le contraire. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme SAQ, SAC. Ouais, SAC. Ça se dit bien, tu sais, mais SCQ. Mais... Oh, mais tu vas t'habituer. C'est juste parce que là, on l'a pas en bouche. La SKIC. Ouais. On va skiquer. Ouais, ben, c'est vrai. Ça fait. Bon. Puis quand je parle de ça, bon, au fédéral, tu sais, on parle de « Ouais, il y a de pas de stress, il était temps qu'on le fasse, puis tout. » Puis bon, parfait, pas stressé, tu sais, évidemment, Justin Trudeau est notre premier ministre dans la génération X, donc c'est un jeune, tu sais, on va se le dire. Lui, on s'entend, il y a quand même une quarantaine d'années, mais c'est un X, tu sais, c'est pas la même gang que ce qu'on est habitué de voir comme politicien. Par contre, au provincial, puis là, tu vois le clash complet, puis ça, je trouvais ça magnifique. Bon, de un... pourquoi c'est revenu dans l'actualité cette semaine? Yet again, c'est qu'une fois de temps à autre, ben, ils sortent une partie du plan du PLC sur comment ça va se passer. Puis là, dernièrement, c'est la chicane sur la taxation. Parce que là, il va y avoir une taxe d'accise là-dessus qu'on appelle. C'est-à-dire que ça va être à peu près... dans le fond, là, c'est que pour tout achat de marijuana en dessous de 10$, ça va être 1$ la taxe par tranche de 10$. Et au-dessus de 10$, ça va être 10% en fait de la valeur de l'achat qui va être une taxe d'accise. OK. Là, 1$ est comme le minimum. C'est ça. Minimum 1$, puis après ça, c'est au-dessus de 10$, c'est 10%. C'est pas mal plus facile de dire 10% avec minimum de 1$. C'est ça. En tout cas, prenez-le comme du bord que vous voulez. C'est ça. Donc, une taxe qui semble assez legit. Ça crée néanmoins certains coûts. L'idée, c'est un peu faire du cash. Faire un peu de cash là-dessus. Puis évidemment, bon, ce qu'on calcule, c'est un peu comme avec la cigarette. C'est que veux, veux pas, c'est quand même pour beaucoup de la boucane respirée. Ce qui fait que ça peut créer une certaine maladie dans le système de santé, de l'emphysème, des cancers des poumons à l'extrême. Bon, là, il y a un paquet d'études qui ont été faites qui disent que apparemment que la boucane de marijuana est de quoi comme 6 à 10 % moins pire que la boucane de la cigarette traditionnelle pour les poumons. Bon, il y en a qui vont dire « Ouais, c'est parce que la cigarette, en fait, c'est juste parce que les cigarettes contemporaines, il y a beaucoup plus de cochonneries dedans que simplement du tabac. Donc, c'est ces cochonneries-là qui sont plus... » On n'embarquera pas là-dedans. Il y a des études qui disent aussi complètement le contraire. Fait que là, justement, d'ailleurs, ça, c'est un bénéfice marginal aussi de ça, bien, qui n'est pas si marginal d'ailleurs, mais qui est juste qu'on n'en parle pas beaucoup. De la légalisation, c'est qu'il faut avoir plus d'études. Les études vont être plus faciles à faire dessus parce que ça passe d'une substance contrôlée, donc illégale à la base, à une substance légale, ce qui fait que ça va être plus facile de faire de la recherche par rapport à l'utilisation et ainsi de suite. Bref. Donc, c'est ça. Puis là, comme je disais, c'est une question de langage de, parce qu'en partant, là, la fameuse taxe d'accise de 10%, la façon que la première proposition du fédéral, ça serait que le fédéral et les provinces allaient se splitter ça 50-50, moitié-moitié. Bon, à vue de nez, on se dit, bon, pas se payer. Legit, ça semble legit. Ouais. Par contre, les provinces, ce qu'ils ont dit, c'est que ouais, les dépenses qui vont être reliées à ça, ça va tout être dans des compétences provinciales. Il n'y a aucune compétence fédérale tant que ça de relier à ça. Ou très peu, en fait. Il y a certaines provinces qui ont juste pas de police. Ben, en fait, le Québec est la seule province à avoir une police provinciale. Mais c'est ça, ça va plus être au niveau municipal puis au niveau des systèmes de santé. Donc, il y a beaucoup plus de dépenses qui vont être reliées au municipal et en fait, dans les compétences provinciales, parce que le municipal, c'est une compétence provinciale, en fait. Donc, c'est pas normal que le fédéral aille quand même en proportion. Comme tel, si on considère que le fédéral, c'est une entité qui profite de la moitié de la taxe versus 10 autres entités, ben le fédéral a quand même la part du lion si on y va comme ça. Fait que c'est pas normal. Bon, legit. Là, ça, il y a eu des négociations. Finalement, on en est venu à dire, bon, OK, ça va être plus comme le fédéral va garder 25%. Et on va splitter 75% du reste entre les provinces au prorata de la population. Les provinces semblent assez contentes de ça. Plus que ça, ce que le fédéral a dit, c'est que là, ils estiment que pour la première année où ce que ça va être en place, on estime à 400 millions ce que ça va rapporter cette taxe-là. Et le fédéral a dit, non seulement on dit qu'on va prendre 25%, c'est que si mettons, on excède le 400 millions projeté, on va quand même juste prendre 100 millions, donc le quart de 400 millions, et le reste, on va l'envoyer aux provinces. Et donc, toutes c'est 25% les augmentations, jusqu'à la concurrence. plus facile à, pour moi. C'est ça. Donc, le tout, puis ça va monter avec le temps. Ben les oui. prix vont augmenter avec le temps. Ça va s'établir un peu plus dans la culture. Fait qu'on estime que dans les années suivantes, il va y avoir une augmentation de cette taxe-là, mm-hmm. donc, étant donné, entre autres, une augmentation des ventes. Ce qui fait que le fédéral, on dit, on va quand même pour tout de suite geler notre ce qu'on ramasse à 100 millions. Les provinces bien contentes. Par contre, moi, une chose qui là, bon, fait que là, tu sais, ça a été une chicane qui s'est réglée assez vite. Ouais. C'est rare que ça arrive des négociations provinciales fédérales, mais raisonnable. Ça s'est réglé assez vite. Ouais. C'était juste une question qu'en fait le chiffre avait été garoché un peu comme ça, il n'y avait pas eu vraiment d'études. Les provinces ont fait wow, minute, on trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis le fédéral ont fait effectivement. Vos arguments sont bons, puis on n'avait pas pensé plus que ça. Fait que go for it. On va vous donner raison. Fine, fine. Par contre, moi, ce que je disais, tu sais, ce que je commençais à dire tantôt, tu sais, on voit que je suis moins organisé que d'habitude. Podcast. Pas de casque. D'ailleurs, il y a des gens qui m'entendaient dire podcast en ondes. Je fais attention de plus le dire parce que, tu sais, des fois, je prononce mal, je dis podcast. Oui, oui, oui. Le monde pense qu'il y avait un podcast. Je comprends. Ben, il y a un podcast, effectivement, de l'émission sur assemblagerequis.com. C'est un peu comme moi quand je dis l'émission de la fierté geek pour le Mathieu Plancho. Tania m'a dit prononce le geek comme faux. Oui. Ouais, parce que c'est vrai, des fois, tu le dis vite. Ouais, j'essaie de pas le dire. Je pense que c'est dans ta publicité. Ouais, c'est dans la pub. C'est très, très, très rapide. Ouais, mais on le refait, ouais, c'est ça. Là, j'ai le même accent sur le cas. Mais j'adore ce slogan-là. Oui, je le garde. Ça fait avec toi, tu sais, mettre de mots plans. C'est ça, exact. On disait quoi? On parlait de joint, messieurs. Bon, comme je disais, notre actuel gouvernement fédéral tente d'être le plus jeune possible mm-hmm. dans son approche, malgré certaines politiques qui sont pas toujours, tant qu'à moi, ben 21e siècle, notamment toutes les politiques énergétiques du fédéral, moi, je suis très déçu. Mais ça reste que il y a une image de jeune. Donc, tu sais, le marijuana, on capote pas avec ça. Hein? On le sait que ça fait pas ça transforme pas le monde en meurtrier. On capote pas avec le. On le sait bien que, hein, comme j'en jasais avec un de mes bons amis hier qui travaille qui est cuisinier. Puis qui disait, tu sais, il dit d'un cuisinier, t'as deux sortes de personnes. T'as ceux qui boivent bien trop, t'as ceux qui boivent trop d'alcool, mm-hmm. t'as ceux qui fument trop de potes. Ah, ouais. Il dit, quand tu prends une soirée que tu ramasses tes collègues de travail, c'est pas ceux qui fument trop de potes qui sont dérangeants à la fin de la soirée, mm-hmm. c'est ceux qui boivent trop. J'avoue. C'est eux autres qui veulent se battre, puis qui foutent la merde. Tout. Le monde qui a fumé du pot, là, c'est ça. Ils disent des niaiseries. Ils disent, les seules personnes qui ont peur des fumeux de potes, là, c'est les livreurs de pizza. Ah ouais? C'est les seuls parce que c'est qu'ils ont hâte de l'avoir, le mot de pizza. C'est juste ça. Le questionnement que je me demande, c'est au niveau déjà, parce qu'on peut pas quand même nier que ceux qui ont déjà, par exemple, des problèmes mentaux, comme si on regarde bipolarité ou juste trouble anxieux et tout ça. Et que je suis content que t'ouvres cette porte-là, c'est direct la journée. Ouais, mais il y a un gros questionnement que quand même le gouvernement doit se poser à ce niveau-là, parce que tu peux légaliser, j'ai pas de problème, mais au niveau de la réglementation, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Parce que oui, c'est prouvé que pour certaines personnes, avec certains cas, ça peut arriver à juste dégénérer le cas de maladie mentale. Donc on fait quoi avec ça? Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est le fun que t'en parles mm-hmm. comme ça, parce qu'il y a en fait... Toute fière de son coup. Là. Fallait pas le ça dire. Paraît dans sa ça face, paraît là. Pas à radio. Justement, faut qu'on décrit. Trans, parents. Ouais. Caméra 3. Hein? Dis-toi, c'est pas si peu, parce qu'à ce temps, la mode à la radio, c'est de se filmer pendant qu'on fait le show. Non. Fait que là, ça va venir. On laisse ça à Xavier Mekliche. On voit, tu sais, comme Rosalie Vaillant. En fait, le plus drôle, justement, c'est Gravel lui-même qui est pas à l'aise. Tu vois qu'il aime pas ça. Il dit, Colin, j'ai lâché la TV pour qu'on arrête de voir la binette. Ah, je suis d'accord. La radio à télé, c'est une drôle de mode. Mais bon. Ouais. Bon. Ça remplit les quotas, en fait. C'est ça. Tout ce que. Ben, c'est ça. Ça rend ça plus vivant, plus. Mais bref. En fait, c'est que ça dépend beaucoup parce que, en fait, ce que vraiment la substance active dans la marijuana, le THC, mm-hmm. ce que le problème que ça peut créer en santé mentale, en fait, c'est que les gens qui ont des prédispositions Exactement. Psychotiques. Ça peut déclencher quelque chose, mais ça va jamais être le seul facteur. Non, c'est ça, exactement. C'est un des facteurs. Est-ce que l'alcool fait la même chose? Est-ce qu'il y a déjà des règles par rapport à ça? Non. Non. N'en a pas. Okay. Puis l'alcool, il y en a pas, ouais. ça crée de l'anxiété, ça crée de la dépression. C'est un dépresseur, l'alcool, en fait. C'est pour ça que non. Si tu prends... Je parlais de l'anxiété tantôt. Ben, c'est que quand on dit un dépresseur, en fait, c'est que ça inhibe certaines fonctions du cerveau. Exact. C'est pour ça que, tu sais, on parle de l'effet biphasique de l'alcool des fois. Puis, tu sais, on le sent facilement, on le sait tout. Là. N'importe qui a déjà pris un coup pour la peine. Au début de la soirée, quand t'as bu pas mal, t'es funné, tu dis plein de niaiseries pis tout, c'est que ça, c'est la première phase de l'action de l'alcool. C'est que la première chose qui est inhibée par l'alcool, c'est ton cortex préfrontal qui a en fait une fonction inhibitrice. Exact. C'est la principale différence entre l'être humain et la plupart des grands singes, c'est qu'on a un préfrontal plus développé. C'est-à-dire qu'on a plus de self-control, on est moins instinctif. Mm-hmm. Ce que ça fait l'alcool, puis c'est pour ça d'ailleurs que la défense, une fois que tu comprends ce mécanisme-là, la défense de « Ah, oh, j'étais sous, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est parce que j'étais sous. » Elle disparaît un peu, là. C'est une défense de marre. Ouais. Mm-hmm. Parce que tu fais juste faire ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été empêché par... C'est ça, ouais. Parce que ça te retire tes inhibitions. Ouais. C'est clair. Donc... Si t'es un trou de cul quand t'es sous, c'est que t'es un trou de cul à la vie. C'est un trou de cul de closet dans la vie. C'est ça, t'es un trou de cul qui sortit. C'est ça. T'es un sphincter serré. Si tu fais des agressions sexuelles juste quand t'es sous, ça veut pas dire que t'es pas le genre de moron qui ferait des agressions sexuelles, mais que quand t'es sous, t'en fais. Ça veut juste dire que t'as un peu plus de self-control quand t'es pas sous, mais t'aurais peut-être quand même besoin d'un petit peu te faire expliquer la vie puis te faire un petit peu... C'est le genre d'affaire ouais. qu'en fait qu'on peut voir dans une thérapie. Mm-hmm. Cette réhabilitation-là est une des jobs mal méconnus des sexologues, en fait. Mal méconnus, donc connus. Pas les gros agresseurs violents là, du classique. Juste le monde qui ne comprenne pas le consentement, mais d'une ouais. manière fondamentale. Ouais, ouais. Ceux qui pensent que c'est correct de pincer les fesses. C'est ça. Ce genre-là. Ouais. Puis qu'ils pincent des fesses et font des commentaires louches quand ils sont à jeun. Puis, ben, ils agressent carrément du monde quand ils sont fous. C'est ça. Ouais, ceux qui font de la discussion de vestiaire aussi. C'est ça. Bon, bref, nous digressons. Au lieu d'agresser. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. De ce point de vue-là, sinon, pour ce qui est de l'anxiété, en fait, c'est que le pot est un anxiolytique, en fait, à base. Ça réduit l'anxiété. L'affaire, c'est que dans le pot illégal de marché noir actuel, qui est le pot qui se consomme normalement de manière récréative actuellement... Parce qu'on s'entend qu'il n'y en a pas de légal. Si vous en avez dans le fond, là c'est le plus far out, on s'entend. Oui, c'est sûrement mélangé avec plein d'affaires. Du pot extrêmement naturel. Quelqu'un là, que c'est vraiment du clean, clean, clean, hyper naturel. Là. Généralement, en fait, il ne va pas créer de symptômes d'anxiété. C'est pas supposé. S'il y a ancré, c'est que souvent, en fait, de plus en plus, le pot, il est mêlé avec d'autres affaires, mm-hmm. dont du speed. Oui, exact. Puis ça rend stressant en tabarouette. C'est comme un gros clash en plus ça. Entre les deux. Il y en a qui a du speed, il y en a qui a de la cocaïne, il y en a qui c'est d'autres affaires carrément. Moi-même, je suis pas le plus grand poteux sur Terre, fait que je peux pas vous dire toute l'étendue mm-hmm. de ce qui est mélangé avec. Mais il y a bien du mélange qui se fait. Des fois, c'est la sorte d'engrais chimique qui est utilisé lors de la culture qui va... rajouter d'autres produits chimiques psychoactifs, ainsi de suite. Donc, comme il disait dans la presse cette semaine, je sais plus qui, il disait qu'en fait, le pot de marché noir actuel va devenir la piquette de demain quand ça va devenir légal. C'est qu'effectivement, ouais. ben, une des choses, c'est quand ça devient légal, c'est de beaucoup meilleure qualité. T'sais, ça va être un peu comme quand la SAQ a été créée, c'est un peu comme comparer le vin de qualité vendu à la SAQ avec de la baboche faite dans le cours du voisin avec des pétates, là, tu sais. C'est un peu le même principe. Fait que oui, il y a beaucoup des dangers de la marijuana récréative actuelle qui vont disparaître. L'impact sur la santé mentale, dans le fond, il y en a une partie. C'est sûr que c'est une substance psychoactive. Il n'y a pas de risque nul là-dedans. Comme n'importe quoi, je veux dire, personnellement, moi, je suis dépendant au café. Je pense mm-hmm. On l'est tous. Pas le sollicite. Le café, c'est un anxiogène. Mm-hmm. Ça rend anxieux, ça fait débattre le cœur. Tu sais, si t'as des problèmes d'anxiété, c'est pas la meilleure affaire à prendre à longueur de journée. On fait exact. Ça pareil. Ça crée des belles affaires. Des affaires à bien des endroits. Le café, c'est une affaire qu'on pense pas, mais le café, la caféine est une substance psychoactive. Ouais. Ça a un effet sur le cerveau. Je vois pas de quoi tu parles. Mais justement, c'est un point. L'alcool, acheter des alcools, le café, il y a plusieurs marques. Est-ce qu'il va y avoir des marques de pot? Est-ce que tu vas pouvoir choisir ta qualité de pot quand tu vas magasiner? Ben là, ça, c'est un peu un détail, mais apparemment. Oui, mais j'aime probablement ça, le détail. C'est un détail qu'on sait pas encore vraiment. On est encore au stade de la loi, là, vraiment le côté plus commercial de la chose. Mais j'imagine mal une boutique là. Où t'as genre un comptoir pis c'est juste genre, ok, je vais te prendre du pot. Mais, ouais. Ok, voici du pot. T'en veux combien? C'est ça, c'est, ça. C'est pas un magasin, c'est un peu ça. Voici trois potes. Pot. Exactement, c'est ça. C'est bon, ça. D'ailleurs, tu sais, l'annonce de moi, j'ai mis au défi de mettre la SCQ, soit mm-hmm. C'est Société québécoise du cannabis. De faire des pubs avec une joke par rapport à Jean Coutu, tu sais, on trouve de tout même un ami, là. On trouve de tout même un pote. Oh! Oh! Ça, c'est toi qui aurais pu la faire, Mathieu. Une petite bine, ouais. Ah, c'est beau, ça. C'est pas fou, ça. Mais moi, j'ai lu, par exemple, parce que la semaine dernière, on présentait aussi à la commission parlementaire à Québec un dépôt de qu'est-ce qu'on voulait faire au niveau du commerce de la marijuana. Et apparemment, il y a plusieurs quartiers défavorisés qui n'auront pas de commerce. Ça va être que des quartiers qui sont dits plus riches. Hein? Ouais. OK. C'est comme le gros questionnement présentement. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas dans certains quartiers? Puis dans d'autres quartiers, il va en avoir. Peut-être avoir de la revente. Hein? Mmh, c'est comme par exemple, Côte-des-Neiges à Montréal, Notre-Dame-de-Grâce, Hochelaga, ce sont tous des quartiers qui présentement n'auront pas, selon le dépôt qui a été fait, là, de commerce. Est-ce que tu vas avoir des restaurants sinon qui vont être apportés votre pote? Oh oui! Moi, une chose par rapport à ça, puis c'était toute l'idée de où ce que je voulais en venir avec ça, c'est qu'au Québec, on a vu qu'on a nos politiciens ont une attitude par rapport à ça, mm-hmm. beaucoup moins easygoing qu'au fédéral, beaucoup plus dramatique. Ouais, plus balai dans les... C'est des politiciens boomers qu'on a, c'est pas innocent. Je pense qu'ils s'adressent pas à la même génération présentement dans leur... Non, exactement. Si on s'entend, on est tous des Grecs ici autour de la table. Ouais. On s'entend que présentement, la plupart des politiciens au provincial, on se sent pas trop représenté par eux autres. Pas ça. C'est pas à notre génération qui s'adresse, c'est aux plus vieux que nous. Ce que ça donne comme résultat, ben, c'est que le langage qu'eux autres utilisent, c'est extrêmement dramatique. Carlos Letao, notre ministre des Finances, Finance, ils ont trop de ministres de la même affaire, je trouve, au provincial présentement. Là. C'est Finance, les Tao. C'est lui qui gère ça présentement. Il a dit lui-même qu'il était complètement mal à l'aise dans ses opinions personnelles par rapport au fait de légaliser la marijuana. Lui, il l'a dit, là, son opinion personnelle à lui, c'est qu'il est complètement en compte. Il dit c'est légaliser ça ou légaliser la cocaïne, dans sa tête, c'est la même affaire. Hey boy, okay. C'est extrême pas mal. Hein? C'est extrême pas mal, puis tant qu'à moi, c'est une attitude de vieux sec. Je suis désolé, là, mais. Ben, c'est moins pire qu'un balai dans le cul. C'est parce que c'est leur génération qui se sont fait dire aussi prenez pas ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment c'est pas ça, bon. Ouais. C'est que c'est basé sur des préjugés, puis des fausses nouvelles, en fait. Ouais, vraiment. Ben oui. C'est la génération d'ailleurs, pour ça. C'est ça. Là, les fausses nouvelles. John Oliver aux États-Unis là, qui fait des. C'est pas la même histoire au Canada, mais ça peut donner une idée de comment est-ce que ça vient à devenir illégal. John Oliver a fait un excellent éditorial sur comment est-ce que le pot est devenu illégal aux États-Unis. Spoiler alert, c'est pas pour les bonnes raisons. C'était pour faire de la politique sur le dos des minorités hispaniques. Ouais. Ouais. Parce que c'était les minorités hispaniques surtout qui consommaient ça. Consommaient, ouais. Puis c'était carrément pour avoir une raison de les mettre en prison. Mm-hmm. C'était à ça que ça servait, là. C'était pour ça la war on drug à l'origine. Ouais. C'est peut-être qu'on n'a pas d'équivalent canadien de John Oliver et le Daily Show parce que c'est diffusé au Canada et on prend ça comme si c'était. C'est vrai pour nous aussi. T'sais. Mais je sais pas si... tu sais, oui, on a parlé du projet, on a parlé du dépôt de projet, puis on a parlé de la légalisation. Je sais pas si ça va tant pogner que ça. Je pense ici, que au Québec. Moi, j'ai l'impression que oui. Ouais. Mais parce que, en fait, personnellement, j'en connais quand même quelques-uns de gens qui, présentement, en fument parce que ça leur permet de dormir, ça leur permet d'être plus relax dans la vie. Des gens qui sont stressés puis qui s'automédicamentent un peu, qui consomment ça de la même manière que d'autres fument une cigarette ou boivent une bière par jour, la bière avant le souper, là, pour se relaxer un peu, puis pour... tu sais, moi, je pense que oui, en fait, puis c'est que c'est... Tu sais, on a peut-être pas l'impression que c'est aussi répandu que ça l'est, simplement parce que c'est fucking illégal présentement. Ouais, c'est ça, exactement. Tu le cuis pas, c'est toi. Puis, tu sais, moi, je parle de ça. Je connais du monde qui... C'est pas... Tu sais, on s'entend, on a tout le temps le pusher de pot qui a son espèce d'appart un peu crade. Ouais, c'est ça. Du monde qui chill chez eux, qui a plein d'aquariums. Louche un peu, là. C'est pas ça. C'est ça. Tu sais, c'est pas du monde. D'ailleurs, le pire, c'est que ces gens-là font affaire avec des pusheurs de bain, mais tu sais, il y a pas le jouet. C'est ça. Mais tu sais, c'est du monde bien, tu sais, qui ont des... qui ont une job de 8 à 4, puis des fois une famille, souvent une famille, puis qui... Tu sais, c'est pas du monde que tu t'attendrais, que c'est pas des drogués, là. Non, c'est juste du monde. Mais bien souvent, ça ceux qui vont le vendre vont pas en consommer. Ah, ouais, ou tu sais, de manière bien minime, en fait, c'est la logique, tu sais, c'est... C'est je veux-tu consommer ma propre paye, mettons? C'est ça, ouais. Tu sais, c'est... Est-ce que tu penses que les vendeurs de drogue vont aller manifester contre la légalisation? Ils peuvent pas parce que c'est illégal. Ben, c'est si, ça devient, si ça devient illégal, est-ce qu'ils vont manifester à rebours? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais pas, mais ils vont peut-être tous se trouver une job, par exemple, à SQC. Là. Oh, peut-être, c'est bon ça. Tu remplis ton CV, tu sais. Gouvernemental. C'est ça, exactement. Compétence. Maintenant que j'ai le droit. Non, mais, au secondaire, j'étais le meilleur vendeur de mon école. Je sais pas si la loi au Canada, c'est j'ai aucune connaissance en loi et ça paraît quand vous écoutez mes chroniques de loi. Mais. Tu sais, j'en fais pareil. L'histoire que même si quelque chose devient légal. Ça reste tout le temps. Rétroactivement, ouais. Ce que tu as commis comme crime reste illégal parce que c'était avant. Ben, c'est ça aussi. Ouais, le changement. Ouais, exactement. Ouais. Ça va rester ça aussi. Ceux qui ont déjà eu des amendes ou qui ont déjà été, par exemple, en prison pour quelque chose genre relié à la marijuana, apparemment, ça s'effacera pas. Parce que c'est pas rétroactif. Donc, ils pourront pas, mettons, parce que là, il y a aussi l'égalisation d'avoir un plan chez vous, mettons. Là. Ouais. Ils pourront pas arriver à pouvoir faire ça, par exemple, ces personnes-là, parce que ça reste dans le dossier. Ouais, ouais. Ce qui est quand même logique, en fait. Comme une faillite personnelle. Mais c'est logique, puis ça l'est pas. En même temps, t'as raison, ça l'est pas en même temps. Les deux. Ça l'est pas en même temps, parce que si on se dit qu'à cette heure, c'est rendu correct, tu sais, oui, t'as commis un crime dans le temps, fait que t'avais l'in. On considère que quand tu as été condamné, c'est que tu avais l'intention de briser la loi. C'est ça. Fait que de ce point de vue-là, oui. C'est mais une question morale. C'est un débat, en fait. C'est de se dire, mais en même temps, on considère que c'est plus un crime ce que tu as fait. Surtout dans le cas d'un crime sans victime comme ça. Ouais, OK. Ouais. Tu sais, puis tant qu'à moi, ça dépend bien gros de l'affaire. Tu sais, si tu es en prison parce que tu as eu. C'est qu'en fait, le gouvernement a décidé de régler ça de même parce que ça ouvre la porte à des réparations, à ta barouette. Exactement. Ben oui, si tu le fais pour ça, que tu le fasses pour tout ce qui a été, tout ce qui a changé comme loi depuis c'est toujours. Ça, c'est ça, on va se dire, c'est une source de revenus quand même assez incroyable aussi pour le gouvernement. Ouais, mais en même temps, en fait, non, des amendes, c'est jamais payant. Non, mais pas les amendes, mais de faire la légalisation. C'est ça devient payant. C'est payant parce que ça coûte cher. Mais oui. Condamner du monde pour des affaires comme ça, ça coûte cher à la société. T'sais, la SQC, là, ça va rouler comme la sac. Là, t'sais, ouais, mais même, t'oublies ça, même s'ils ne mettaient pas de taxes, c'est un peu là où je voulais en venir parce que je trouve qu'on capote avec ça. Parce que les arguments, c'était ça, c'était « Ah oh, là, ça va remplir les hôpitaux, puis les services de police vont être débordés. » Puis... Ah non, les gens qui fument du pot, ils restent sur leur divan à manger des chips. Genre, c'est ça, c'est quand même... c'est ça, tu sais. S'ils écoutent Netflix, puis là, Mélanie Joly va être contente, puis Netflix vont faire de l'argent. Exactement. C'est ça qui va se passer. Je suis désolé c'est d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils légalisent. C'est ça. Tout est dans tout. Tout est dans tout. C'est l'idée de Mélanie Joly dans le c'est fond. C'est ça, c'est ça. Bref. Bref, on pourra en parler vraiment longtemps. C'est ça, on pourra en parler longtemps. Mais c'est ça, moi, c'était en fait, t'sais, on conclut là-dessus, puis c'était un peu lourd ce que je voulais en venir, c'est que... Le monde bad trip avec ça. D'ailleurs, je suis désolé, aujourd'hui, je me tourne la tête tout le temps en parlant. Ça doit être fatigant dans le micro. Moi, ouais, ben, j'essaie de t'ajuster quand tu veux. Ouais. Mais c'est ça, je me suis vraiment mal placé aujourd'hui. Je suis désolé. Pas grave, prends du pot, calme-toi. C'est ça. Ouais, c'est relax. Il fallait me reprendre un café. Take it easy. Oh mon Dieu. Ouais, c'est ça. Bref, mais ouais, moi, c'est ça que je voulais dire. C'est le monde capote avec ça présentement. Puis. Tu sais, ça sera pas l'apocalypse. Puis c'est ben tranquille. C'est tant qu'à moi, c'est juste. Tu sais, c'est que c'est une affaire. T'sais, c'est pas de dire que bon, c'est pas une substance un peu dangereuse. Oui, moi, je suis bien d'accord pour que ça soit interdit au moins de 18 ans. Mm-hmm. Puis moi, même sur l'alcool, je trouve que c'est très discutable. Il y en a qui parlaient de ramener ça à 21 ans, la consommation d'alcool. Ça vaudrait peut-être la peine avec le pot, en fait. Je sais pas. Faudrait qu'il y ait de la recherche qui se fait là-dessus, en fait. Le fait que ça soit légalisé va permettre qu'il y ait de la recherche qui se fasse. C'est sûr que des substances psychoactives, quand t'es encore en croissance puis que ton cerveau est pas fini, bon. C'est pas bien bon. C'est ça. Puis le cerveau est pas fini avant la vingtaine. Mm-hmm. Fait que même à 18 ans, on prend une chance, mais on se dit, c'est sûr que l'impact est moins peu. Tu sais, c'est une courbe normale, là, un peu, mais quelque part. Là, exactement. Ça, c'est pas comme du jour au lendemain, ah, c'est plus grave si tu prends des trucs psychoactifs, c'est graduel, mm-hmm. c'est de moins en moins pire. Tu sais, des gens que leur cerveau se forme jamais. Ouais, c'est ça. Les études sont très rares présentement. Vous allez voir, là, puis là, c'est ça, là. Vous allez voir des études sortir à tout bout de champ. Il y a une étude qui a dit que consommer du pot avant tel âge fait telle affaire. C'est une étude. On le sait pas encore. Exactement. On peut pas le savoir encore. Ça prend des études longitudinales idéalement, c'est-à-dire des études sur plusieurs décennies des fois, des études sur long terme. Là. Mm-hmm. Qui coûte cher, mais que ça va être plus facile de faire maintenant que ça va être quand ça va être légalisé. Moi, personnellement, je pense que ce qui va être très important de faire lorsque la légalisation va être passée, c'est d'appliquer la loi au volant comme l'alcool. Oui. Mais ça, c'est déjà... Ça commence déjà, en fait, puis c'est qu'un autre fléau au volant, c'est pas nécessairement les substances, en fait, non. C'est le cellulaire au volant, c'est ce qui crée le plus d'accidents à cette heure. Déjà là, on commence à vouloir changer. Puis ça, c'est un autre beau sujet que je commencerai pas parce que moi, il faut que j'aille travailler, en fait. faut que je gagne ma vie. Moi, je suis bénévole ici. Oui, c'est ça, exactement. Pour acheter plus de potes, pour faire plus de jobs, pour faire plus de potes. Ouais, c'est ça. Ouais, ça travaille fort sur le pot. C'est qu'en fait, on parle de, au lieu d'évaluer la substance que tu as dans le sang, c'est d'évaluer tes facultés. Mm-hmm. Donc, c'est un peu de changer la mentalité derrière ça. Ce qui fait que quelqu'un qui pète le 0.08 pourrait éventuellement ne pas se faire arrêter. Alors que quelqu'un qui ne pète pas le 0.08 pourrait se faire arrêter parce que ce qu'on évaluerait, c'est ta capacité à conduire et non ce que tu as dans le sang. Ouais. Parce qu'il y a du monde, on va se le dire, là, pas des alcoolos, mais tu sais, du monde qui boivent tout le temps. Là, des alcooliques fonctionnels. Qui ont une bonne 0.08 sont capables de conduire, capables de conduire à plus que ça, puis qui ont autant de réflexes que moi j'en ai normalement, juste parce que sont habitués d'avoir ça dans le sang. C'est comme nous, si on n'a pas de café, on est faible. Si on a du café, on est normal. C'est exactement ça. T'sais, moi, le matin, si je me fais arrêter, puis j'ai pas bu de café, probablement que je suis en faculté affaiblie. On caricature un peu, mais un bel exemple, c'est conduire extrêmement fatigué. Ouais. C'est plus dangereux que de conduire avec un peu d'alcool dans le sang. C'est reconnu. Pourtant, on n'arrête personne pour ça. Mais où on n'en parle pas. Tu sais, il passe pas mal moins inaperçu dans le journal le lendemain matin. C'est bien plate, mais il n'y a personne qui est arrêté pour ça. Il y a des accidents qui ont lieu à cause de ça. Exactement. Puis c'est une autre affaire. Là. Mais les vraies causes des accidents sont-elles réellement bien rapportées? Mm-hmm. Mon expérience personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut, ça reste une expérience personnelle, la réponse facile, c'est non. Mm-hmm. Généralement, si tu n'as pas trop de cheveux blancs, tu vas te faire dire que c'est parce que tu es jeune. Puis ça, c'est un jeune qui a commis qui conduisait trop vite aussi, ça, puis bon. Mais c'est ça. Ça, c'est tout un autre sujet encore. Oui, mon Dieu, un autre débat. Je trouve que je commence à sonner choc des générations. Oui, c'est vrai. Bref, bonne semaine. Merci, Sébastien. Merci, Gaffin. Tu es génial, comme toujours. Mon Dieu. Ouais. Mon Dieu, grosse fleur à matin. Non, mais là, c'est, il m'a ouvert la pote. Imagine mon plan. On te retrouve pour une dernière fois la semaine prochaine. Ok, oui. Mercredi en début d'émission. Ouais. En première heure. Mais bon. Ça va, c'est ça. C'est on va essayer d'être à l'heure ce coup-là. Ouais, ouais. C'est ça me j'ai de la misère avec ça. J'étais plus organisé cette session-ci, mais j'arrive tout le temps en retard, on dirait. Et on fait avec, on a du contenu pareil. C'est ça. Mais oui. C'est ça. Merci encore, à la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Ouais. Au revoir. Maintenant, c'est le moment d'une chronique qu'on appelle une grosse pointe tendresse, ou en anglais, Big Slice Tooth Garni. Une grosse Une grosse pointe en reste à la chronique où on vaut un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en magasin, en épicerie, en pharmacie, peu importe, quelque chose de malsain, quelque chose qu'on ne devrait pas manger, hein? Et cette semaine, c'est Tania qui nous a amené un produit. Oui, exactement. Hier, je suis allée à l'épicerie parce que j'avais une soirée de Noël à devoir préparer. Okay. Alors, j'en ai profité pour aller faire un petit tour dans l'allée festive du temps de l'année, c'est-à-dire le temps des fêtes. Pour être politiquement correct, le temps, la période de l'année comprise entre... décembre et fin décembre. Fin décembre, mettons. C'est comme ça, on appelle sur les cartes, maintenant, c'est marqué ça. T'as? Exactement. Je l'ai pas acheté en octobre, mettons. Là. C'était pas cette festivité-là. C'est ça. C'était la première fois que je voyais ça. J'en ai jamais mangé. Je me suis dit que peut-être certains d'entre vous connaissaient déjà ça. Pour ma part, je connais pas du tout, mais ça m'avait l'air très alléchant. Et là, je me suis dit probablement que Mathieu, avec sa dent sucrée, va aimer ça. Donc oui, c'est un indice, c'est sucré. Ouais. Ce sont okay. des roulés de dattes hein? aux noix de coco. J'adore les dattes. Est-ce que tu sais ça? J'adore je savais les pas. Dattes. Ça me semble... écoute, c'est sans OGM. Déjà ouais, bon. C'est les... merveilleux. J'ai voulu y aller quand même pas trop fou dans le gras ou pas trop mauvais santé. C'est ça, sans être santé complètement. Exactement. Donc, je vous dis les ingrédients. Dattes, noix de coco. Caroline, hein? C'est minimaliste qu'on appelle. Exactement. Il n'y a rien d'autre. Les informations sur les allergies, bien, c'est emballé sur de l'équipement qui traite également des produits contenant des noix. Donc, on peut faire attention ouais. de ce côté-là. Et ça peut occasionnellement contenir des noyaux ou des morceaux de noyaux aussi. Alors, faites attention bon. À cause des dattes. Mais sinon, pour un morceau, c'est 67 calories. Mm-hmm. OK? Mais on se rappelle que les dattes... C'est sucré, là. C'est très sucré, donc, oui. À la base, je m'attends à ce que ça soit sucré. C'est de la compagnie, oui, Bard Valley. Et ça s'appelle Natural Delights. Oh, wow. Donc... délice naturel. C'est ça. Roulé de dattes à la noix de coco, sans OGM. Ça a été vérifié. OK, c'est des... je pensais que c'était des petites boulettes, mais c'est des roulés comme dans des cylindres. Oui, ce sont des cylindres qui sont très épais. Ben oui, c'est beau. C'est pas petit, là. C'est un bon morceau, sachez-le. On dirait des gros mini-wheats, mais c'est pas, j'espère, c'est pas des mini-wheats. Non, je penserais pas que ça soit des mini-wheats. J'ai pas de problème avec les dattes, fait que tu sais, je me suis dit, je vais goûter ça. Je suis persuadée que oui, ça va être sucré, par contre. Mm-hmm. Parce que ça semble être une petite sucrerie que t'en prends juste un morceau, puis après, c'est décoré. C'est ça, un délice naturel, hein. C'est le nom du produit quand même, on s'attend à ce que ce soit satisfaisant. Tout à fait. Voilà. Je vais ouvrir dans le micro magique pour vous, mesdames, messieurs. Mm-hmm. Tania est en train de mordre le plastique qui fait le tour de la boîte. J'ai comme pas le choix. Là. Voyons. Ah, elle a un morceau de plastique sur la langue, l'enlève. Ouais. Bon, je pense que je vais y aller avec peut-être... Elle lève le couvercle. Vous voyez que je fais de l'audio-description. C'est merveilleux, merci Mathieu. Elle se force, elle a beaucoup de problèmes à ouvrir. Oui, c'est parce qu'il y a comme un... Comment? Il y a une affaire de plastique qui s'ouvre. Okay. Ça mériterait des ciseaux, ça. Et les dents vont se faire aller... Ah, bon. Je casse une dent. Ma dentiste serait vraiment fière de moi. Ça. Je tiens à la saluer. Oui, Suzanne. Elle nous écoute. Ça sent très bon à date. OK. À date! Wow. Donc, je l'ouvre. Malheureusement, vous n'allez pas vraiment entendre... Ah, ben non, quand même. Oh, ça sent bon, Mathieu! Ça sent les dattes, là, c'est sûr. Oui. Moi, j'aime beaucoup la noix de coco dans la vie. J'aime bien aussi, quand donc, même. Donc, je dois avouer que c'est pas mal pour ça que je les ai pris. Ça, s'il y avait de la noix de coco, je te prête le tout, Mathieu. Il y a vraiment beaucoup de morceaux, là. On parle de 17 morceaux, je pense, à l'intérieur d'une boîte. T'as compté ou c'était écrit sur l'emballage? C'est écrit. Bon, au moins. Il aurait pu arrondir à 20 ou à 15. Ouais, c'est ça. Bon. Je vais m'en prendre un au hasard, ici. C'est vrai que c'est une belle petite chose. Oui, ça fait festif aussi, je trouve. Je trouve que ça a l'air d'une bûche de Noël. Oui, une mini-bûche des fêtes. Exactement. Ça me fait penser, tantôt, j'ai parlé de bonbons patates. Oui. Ça me fait penser un petit peu à ça. À cause de la couleur, ouais, exactement. Bouché ou au complet? Ah non, moi, je vais en boucher, là. Moi, je vais aller au complet, comme toujours, pour avoir le plus de difficultés à parler après. OK, allons-y. Très noix de coco, pour commencer. Consistant. Très solide. C'est comme un plus solide que brownie. Ouais. Mais c'est juste une date, là. C'est ça. C'est... La purée de date. Exactement ce que je pensais comme goût. Ouais, moi aussi. Juste assez sucré, pas trop dérangeant. On dirait que la noix de coco vient un peu équilibrer le sucre de la date. C'est fantastique. Ça me fait penser un petit peu à des Fig Newton. Mm-hmm. Je sais qu'il n'y a pas la pâte autour et il y a une purée à l'intérieur de date. Ça ressemble vraiment à un Fig Newton et je suis un énorme fan de Fig Newton. Donc c'est comme un équivalent encore plus, une petite twist noix de coco à une Fig Newton. C'est excellent. J'adore ça pour vrai. Si je vois ça en épicerie, j'en achète d'autres, c'est sûr. Ça doit être cher quand même. Non. Non? Non. Est-ce qu'ils vendent en caisse? J'ai pas remarqué, mais l'emballage de 17 était à 4,95. C'est pas pire et c'est vraiment très, très satisfaisant. Natural Delight, pour vrai, un bon choix, là, comme j'en ai rarement vu. Je pense que ça monte tout de suite dans le top de ma liste depuis le début. Woohoo! Bon, tu vois, Tania fait pas souvent des produits dans ses grenades de lait, mais quand elle en choisit des pas pires. Exactement. Puis avoue que là, t'en as mangé un complet. Je veux continuer, là. Ah ouais, tu veux continuer? Ah ouais. OK, moi, je me disais qu'au sucre que ça contient... Oui.

On y va dans plus, plus simple, là, moins de films cultes pour adultes. Québec, ben, Montréal. Monte Carlo. Non? OK. On y va dans les films d'animation, peut-être? Oh, oh, Madagascar? Oui! Ah! Hey, j'ai gagné. Boy, hein? C'est, je pouvais pas répondre à ça, écoute pas ça. Je m'attendais pas à avoir des références comme le Wanda, par contre. Ils sont pas mal plus érudits et éduqués sur les, la cinématographie. Je vais dire, là, ça va être facile, mais... excusez. Oups. Donc, oui, je vais vous parler du Madagascar ce matin. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est où et qu'est-ce que c'est. Mm-hmm. Madagascar, ouais. C'est une île, okay. Premièrement. Et c'est situé à côté du continent africain, donc okay. Dans l'océan Indien. C'est une île qui, si vous regardez une carte du monde, ça va être à droite en bas. Donc, on aime ça, à droite en pratique. Bas. C'est ça. C'est une île, comme j'ai dit, et si vous vous rappelez, il y a peut-être environ trois semaines. Environ, en tout cas, oui. J'avais fait une chronique sur le Groenland. Oui. Et je vous avais dit que c'était la deuxième plus grande île au monde. Mm-hmm. La première étant... Madagascar! Non? Non, c'était l'Australie. L'Australie, ah, ouais. Ouais, ah, c'est, j'avoue. C'était l'Australie. Ben oui, c'est vrai, c'est une île, l'Australie. Alors, Madagascar, vous pensez que c'est au combienième rang? En superficie. Comme île? Oui. Au monde. C'est-tu grand? J'ai aucune idée c'est grand. Je sais pas si c'est grand, honnêtement. On va dire un chiffre au hasard. Je vais dire 12e rang. Je vais dire 15e rang. Mon Dieu, non, c'est la 4e. Oh, oh, quand même. Quand même. C'est très proche. Ouais. Mais oui, il y a une population d'environ 25 millions d'habitants. Mais combien de pingouins? Parce que les pingouins de Madagascar. Ils parlent en passant, ça c'est le. C'est super important. Je vais parler des lémuriens aussi. Ah, j'ai hâte. Ah, bon. Tout à l'heure. Donc, c'est ça. Il y a 25 millions de personnes qui habitent sur l'île de Madagascar. Par contre, c'est important de savoir que c'est une île qui a beaucoup de pauvreté. Donc, 69% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. C'est quand même très, très élevé. Un peu comme le Québec, quoi. La comparaison est parfaite. C'est ça. Hein? Non, on repartira pas sur un débat non, de salaire minimum. C'est ça. On n'est pas là-dedans ce matin, on est dans le rêve et dans on le voyage. Donc, le climat, ça ressemble à quoi? Il y a deux saisons, d'où mon indice de tout à l'heure avec des fois chaud, sec, humide. Il y a deux saisons, donc la saison des pluies qui est de novembre à avril, donc présentement. C'est aussi long que notre hiver. C'est ça, et c'est très, très chaud. OK. Parce qu'il y a des forêts tropicales. Mm-hmm. Ben oui. Donc, et ensuite, on a la saison sèche qui est de mai à octobre. Oh, là, aussi, c'est beaucoup long. Plus frais. Ouais. Puis on conseille évidemment de voyager dans cette saison-là. N'appelle pas ça l'autre, l'hiver et l'été, c'est vraiment la saison mouillée. La saison des pluies et saison sèche. OK. Hop. Ouais. Cool. C'est l'hiver-été de ben, nous, mettons. Genre. Ouais, c'est ça. Ensuite, ben, qu'à partir, comme j'ai dit, la saison sèche, évidemment. Par contre, il faut savoir que la côte est de l'île va toujours être plus humide parce que c'est okay. Là qu'il y a la forêt tropicale. Mm-hmm. Ça, c'est sur la carte, en bas à droite, plus à droite. C'est ça. Exactement. Non, mais tu sais, pour des personnes qui nous regarderaient avec visuel, une carte du monde sous la main, exactement. On sait pas. Voilà. Donc, si vous voulez quand même y aller, mais vous dites « Ah, moi, j'aime ça quand il fait chaud et humide mm-hmm. », ne vous inquiétez pas, dans la saison sèche sur la côte est, vous pouvez quand même en profiter. Les camps de nudistes sont là pour vous, c'est ça? C'est ça, exactement. mais je vous recommande pas tant. Non? Ben non, non je suis pas tant sûre que, surtout si on fait touriste nu sur la plage... Je suis pas sûre. On va paraître un peu spécial, je pense. Avec l'appareil photo dans le cou. Ça va être une variante de l'émission à V. Le passeport dans les mains. Célibataire et nu au Madagascar. Animé par Eric Salvaire. Ouh! C'était toute une blague. Merci ça. Beaucoup. Hein. Et mon le sonore de Denis. Pam pam. La langue. Donc, on parle malgache. Mm-hmm. Oui. Alors, et on parle français. Ah ouais? Ah, sans blague. Oui, je m'y attendais pas non plus. Donc, chaque région a évidemment un dialecte. Par contre, malgache est la langue officielle. Avant, environ pour une courte période, de 2007 à 2010, ils ont mis l'anglais en langue officielle. Ils ont réalisé que ça marchait pas du tout. Ben, on essaie des affaires. Hein. Ben, c'est ça. Donc, on après trois ans, ils ont dit non, ça n'a pas de bon sens. Il mm-hmm. Y a 20% des malgaches qui parlent français. Donc, en tant que tel, c'est pas tout le monde. Vous pouvez non, pas aller ça. À Madagascar en vous disant « Bon, c'est sûr que n'importe qui que je parle dans la rue va me comprendre. » Par contre, il y a deux régions qui sont très reconnues pour la population qui parle français. Donc, si vous préférez vraiment parler français puis vous assurer que les gens vous comprennent, simplement visitez plus ces deux régions-là. Ouais. Donc, ça se fait bien. Sinon, apprenez plusieurs dialectes malgaches. Mm-hmm. Ça peut être une belle alternative. Ensuite, fait intéressant, il y en a plein. Oh, cool! Vraiment, j'ai été surprise, Madagascar, et plein de surprises. Ben voilà. Bon. Allez-y! C'est Marco Polo qui a donné le nom de Madagascar. C'est un beau nom donc, de pays, je trouve. Oui, c'est vraiment un très beau nom, puis je ne m'attendais pas à ça. Donc, l'explorateur qui a découvert le pays et qui a donné son nom. Et je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure au niveau des transports. Il y a seulement 11 % des routes qui sont pavées. Wow. Oh! Donc, ça vous donne une idée un peu au niveau des transports. Traverser l'île au complet plusieurs fois. Il y en a qui aiment ça, se promener beaucoup, là, comme le Vietnam qu'on peut faire en moto. Mm-hmm. Oui, on se rappelle de ça. Je suis moins convaincue. Oui, c'est ça. Moins convaincue. Mm-hmm. Si on va aller au Madagascar, soit on prend beaucoup de temps pour ne pas avoir à faire énormément de routes d'un coup, soit on se concentre sur une région parce qu'au niveau des routes, c'est quand même quelque chose. Et il y a, là, je vais parler des lémuriens, Mathieu. Oh, yeah. Oh. Il y a 70 espèces et sous-espèces de lémuriens juste sur cette île-là. C'est énorme, fun, ça. Oui. C'est énorme. Imaginez, on en a vu juste une dans le film Madagascar. Mm-hmm. Puis il y en a plus de 70. Mm-hmm. Donc, super impressionnant pour la faune et la flore, ça, c'est sûr, Madagascar. Et... Si seulement les murs pouvaient parler. Oh. Et autrefois, Madagascar, c'était le lieu de détente et de repos des pirates. Ah ouais? Hein? Ouais, c'était l'île où c'était un peu leur Cuba. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était leur tout inclus. C'est ça, c'était l'île où ils allaient se détendre et certains pirates ont établi leur base là plusieurs années après, mais normalement c'était le petit lieu caché de repos qu'ils utilisaient entre les attaques. Ouais. J'imagine. Donc, voilà. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure dans les langues, c'était le français qui est la deuxième langue officielle du pays. Alors, on se doute que c'était une colonie française. Tout à fait. Oui. C'était une colonie française. Ouais. On a la confirmation. Tu t'approches du micro pour parler, Denis? Je suis très près du micro. C'est parce, c'est que... parce qu'ici, c'est le micro magique. Si ça s'approche trop, ça va être vraiment... Ça va devenir magique. Oui, c'est ça. Ouais. Ou pas du tout. Alors, c'était... On va revenir. Oui, oui, oui. Oui? C'était une colonie française qui a obtenu l'indépendance en 1960. Mm-hmm. Donc, ça fait pas très longtemps, non, on s'entend. D'où le fait que, justement, ça fait partie des langues et de la culture. Vous allez voir que c'est un très grand mix de cultures qu'il y a au Madagascar. Donc, on parlait... là, je fais toujours des petits comebacks sur mes chroniques d'avant. Là, mais oui, le Vietnam, ça, qui était aussi une colonie française. Donc, son plat traditionnel qui était le banh mi. Mm-hmm. Donc, si on se rappelle, là, la baguette française qui est un style de sandwich. Le sandwich, oui. À cause, justement, qui était une colonie française. Ici, Madagascar, c'est vraiment plusieurs influences qui se chevauchent parce qu'on est à proximité de l'Afrique. Mm-hmm. On touche un peu aussi à l'Asie, donc avec l'océan Indien, on se rapproche. Puis le fait que c'était une colonie française, donc l'Europe. Donc on a vraiment trois continents distincts qui se marient dans la culture du pays. Au niveau de l'hébergement, c'est vraiment génial. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a de tout. Ah, oh, c'est le fun, t'as ça! Le choix. C'est ça, il y a le choix pour pas cher. Okay. Puis ça, c'est le fun. Autant qu'on peut aller dans les auberges de jeunesse, évidemment, il y en a beaucoup. Il y a du camping. On peut loger chez l'habitant. On peut avoir des hôtels aussi, des très, très beaux hôtels sur la plage, super exotiques. Chez l'habitant, tu parles de genre de louer une chambre chez quelqu'un ou un Airbnb? Non, pas Airbnb. Genre du couchsurfing. Ah, ouais, c'est ça. Okay. Du couchsurfing un peu plus pour avoir l'expérience typique. C'est ça, l'immersion totale. Exactement. Donc, généralement, là, les hébergements sont reconnus pour être très, très propres à Madagascar et peu chers. Donc, quand j'ai regardé, là, il y a des hôtels de style coloniaux aussi. Donc, c'est super beau, à 43 $ la nuit. Oh, wow! Donc, on s'entend que c'est peu dispendieux. Ouais, ensuite de là, on part des auberges de jeunesse autour de 20 $ la nuit. Mm-hmm. Puis le camping qui est encore moins. Puis si on décide d'y aller chez l'habitant, des fois, ça peut être simplement un échange de services aussi. Mm-hmm. Donc, ça reviendrait gratuit en quelque sorte. Et ensuite, la nourriture. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un amalgame de plusieurs cultures à Madagascar. Et ça fait qu'il y a plusieurs traditions culinaires. Donc, j'ai pas réussi à sortir un plat traditionnel. Il y en a plusieurs. Puis, c'est sûr que ça s'apparente aux cuisines créoles. OK. Donc, habituellement, c'est des portions très généreuses et épicées. OK. Donc, en général, on va s'attendre à ça. Et le plat traditionnel que j'ai réussi à vous dire que ça devrait être le plus populaire, c'est parce que c'est un plat de Noël. Oh. Ah. C'est un plat traditionnel. Tous les plats sont accompagnés de riz, habituellement. Là. La plupart, c'est un classique de retrouver du riz dans votre assiette. Mais la langue de veau dans la sauce tomate est comme notre tourtière à Noël. Ah, OK. Oui, c'est super alléchant. Très, très. On voit tous les pots de langue de quelque chose à l'épicerie. Ça donne tellement envie de ce genre-là, mais dans la sauce tomate. Oh, okay. C'est ça, une langue de veau dans la sauce tomate. Ça, attention à ce que tu mords quand tu le manges. Ah, c'est ma langue ou c'est la langue du... Ah, c'est sûr. Mais attention. Si tu confonds ta langue avec une langue de veau, je suis pas sûr que c'est bon signe. Ça se peut, Donc, ensuite, au niveau des transports, Il y a ce qu'on appelle des taxi-bourses. OK. OK. Donc, non, taxi-brousse. Taxi-brousse, ça a plus de sens déjà. Là, ça. J'ai changé les lettres. Donc, c'est vraiment la façon de se déplacer au Madagascar qui est le plus pratique. C'est aussi le moins cher. Puis, comme on avait dit, là, comme 11% des routes sont pavées, on s'entend que ça ressemble à des Jeeps ou des gros Westphalia. Oui, c'est ça. Mm-hmm. On peut dire comme ça. Là, c'est pas des modèles d'auto récentes non plus qui sont au Madagascar. Donc, il faut y aller avec un petit coussin. OK. Je pense que ça pourrait être recommandé. Ouais. Déjà que Tania n'aime pas la froideur de nos chaises de studio. Ils sont froides. Il va te falloir un coussin ici aussi, hein? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui est super intéressant avec les tarifs des taxi-brousses, c'est qu'ils sont fixés par le gouvernement à chaque jour. Ah, OK. Donc, ça, c'est pas... T'as l'indice broussier. De l'indice broussier. Exactement. Ouais. Donc, ils sillonnent tout le territoire, vraiment, là, même dans les villages les plus reculés. Donc, ça, il n'y a pas de problème pour l'accessibilité. Si vous dites, bon, les taxis ne se rendent pas jusque où je vais aller, mm-hmm. ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et il est recommandé, par contre, de réserver deux places pour okay. avoir un peu plus de confort, ah, parce oui. qu'on s'entend qu'ils peuvent entasser beaucoup de gens dans ces taxis-là. Mm-hmm. Donc, on se rend dans les gares routières pour réserver nos places et on en prend deux parce que, bon, c'est très peu dispendieux si vous voulez avoir un peu plus de confort. Tu peux avoir tes sacs à côté ou ta sacoche. Ouais, c'est ça, ça, exactement. Là, on peut se permettre de s'asseoir un peu plus confortablement, surtout si vous avez, on s'entend, là, si vous allez du nord au sud du pays, ça peut prendre de plusieurs heures mm-hmm. facilement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au Madagascar? On va voir la faune et la flore. Ouais. Mais oui! Évidemment, la biodiversité qui est... Il y a plusieurs espèces qui sont uniques au monde, donc des espèces très, très rares. Évidemment, les plages. Mmh. Donc, c'est une île, il y a des plages splendides. On est à environ à 500 km à droite de l'Afrique. Si je peux me situer encore. Sur la carte. Sur la carte. Donc, on est au sud un peu, donc il y a des plages qui sont exceptionnelles et il y a un relief très important aussi au niveau des montagnes. Mmh. Donc, il y a le contraste mer-montagne qui est mmh. super beau. Donc, ça, c'est très, très intéressant juste au niveau de la beauté des paysages. On va pas là pour le côté urbain et autres. Les gratte-ciels, il n'y a pas ça? Non, c'est ça. Okay. On va pas là pour ça. Et c'est le pays des baobabs, oh, si vous savez c'est quoi. Ben oui. Donc, c'est les arbres géants qui mm-hmm. ressemblent... la seule comparaison que j'ai dans ma tête, c'est toujours des choux-fleurs. Ouais. Choux-fleurs ouais, des okay. choux-fleurs géants mm-hmm. avec une très grande tige. Mm-hmm. Donc, les baobabs... Et il y a une seule espèce qui est en Afrique, mais il y en a 9 au total des espèces de baobabs okay. au monde. Et dans les 9, il y en a 6 qui se retrouvent à Madagascar. Oh, mon Dieu! Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Là. C'est juste des petits faits comme ça, mais il y a tellement à apprendre sur la biodiversité, puis la faune et la flore, que ça vaut la peine d'y aller, puis de prendre des guides aussi pour en apprendre davantage. Parce que si vous voyagez seul, puis que vous décidez pas d'avoir des guides locaux, bien, ça se peut que vous ratiez plusieurs informations qui seraient importantes, puis qui seraient super intéressantes. Mmh. Donc, combien ça coûte aller là? Ben oui, ouais. C'est ça. C'était ma prochaine question, là, parce que les hôtels coûtent pas cher. Est-ce que pour compenser, ça va être cher d'y aller en avion? On ne sait pas. Le fameux dilemme, un approximatif, là, selon okay. vous. OK. Aller-retour toujours. Quoi? Aller-retour? Aller-retour, une semaine, en janvier. Je te laisse aller en premier. 985. 1000 Mathieu, tu gagnes. Yeah! Ah! C'est 1091, le moins cher que j'ai trouvé. C'est toujours dans les 1000, 2000, dépendamment. On a évidemment une escale obligatoire. Mm-hmm. Donc, mais il y a des départs de Québec. Ah, c'est fun, ça. Fait que ça, j'ai vraiment été étonnée. Ça coûte plus cher. Là, oui. Si on part de Québec, on s'entend que c'est dans les 3000. Mais, tu sais, si tu veux pas faire la route jusqu'à Montréal, ouais, mais là, ça peut être intéressant. Pour 1500$ de plus. Je pense que je ferais un petit détour. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Ça dépend, là. Mettons que t'as pas à compter ton argent. Non, c'est ça. Mettons que tu veux aller directement là-bas, t'es pressé. Là. C'est ça, t'es pressé, ouais. Là. T'habites à 5 fois, puis tu veux y aller. Ouais. Voilà. Voilà. Ça va te coûter dans les 3000$. Mais sinon, de Montréal, là, dans les 1000$, on s'en sort bien. Donc, c'est quand même moins cher que la Nouvelle-Calédonie que je vous avais parlé. Oui, ben oui, et autres îles qui peuvent être super intéressantes aussi. Mais je me suis étonnée quand même. Par rapport au fait que c'était très, très abordable. La durée de vol, on parle pour le prix de 1091, c'est 35 heures. Ah, oh, quand même. Okay. Donc, 35 heures dans les transports avec 2 escales. Mm. Donc, il y a toujours un minimum, c'est certain. Le visa, c'est sûr qu'on a besoin d'en avoir un quand on veut rentrer au pays. Donc, on ne fait pas la demande à la douane même. Mm-hmm. On a besoin de l'avoir avant. Même principe que pour le Vietnam. Spécifique à ce pays-là? Oui. Okay. Oui. Donc, le visa. Et les vaccins, non. on n'a pas besoin de vaccin obligatoire pour rentrer au pays. Ouais? Par contre, il y a beaucoup de recommandations. Okay. Donc, oui. À cause des animaux locaux uniques au monde? Ben, la on peut y aller là-dedans, mais aussi, c'est un pays qui est très, très pauvre, qui n'a pas nécessairement toutes les infrastructures les technologies qu'on a, nous, ici, pour, là, je parle de la filtration de l'eau, d'autres choses comme ça. De recharger plus cher. Les soins de santé et autres. Donc, il y a évidemment des maladies que nous, ici, on voit très rarement ou qu'on voit très peu. Donc, évidemment, la fièvre jaune qu'il faut toujours avoir, les hépatites, les choses comme ça. C'est tous les vaccins de votre petit carnet de santé. Je vous conseillerais de les mettre à jour pour être sûr à 100%. Et la monnaie s'appelle le Ariari. Ariari. Oh, c'est cute. Oui, je trouve ça super beau comme nom. Et par contre... Tu disais, Denis, excuse-moi. C'est beau, hein? C'est beau, c'est vraiment beau. Oui, c'est super beau. Trois Ariari. Oui. Origami, ça va être encore plus cute. C'est vrai. C'est de l'argent pliant. Tu fais un petit signe avec... Par contre, voyage, le gouvernement du Canada a émis un avertissement pour le pays, donc ça, je tiens à le dire. Il faut éviter la plage de la Batterie. Oh, OK. Bon. Parce que ça, présentement, il y a beaucoup d'agressions violentes. C'est au nord du pays. Okay. Donc, si on se tient au sud, il n'y a pas de problème, mais c'est le seul avertissement qu'il y a. Donc, ils ne disent pas aux Canadiens de ne pas y aller. Par contre, cette plage-là, c'est un lieu qui n'est pas recommandé. Mm-hmm. Super important de toujours aller au site voyage.qc.ca quand vous allez, vous avez l'intention de voyager à un pays ou juste pour vous informer avant d'acheter des billets d'avion ou quoi que ce soit, savoir s'il y a des avertissements, tout ça. Le gouvernement met à jour toujours les informations là-bas. Vous avez toutes les informations d'entrée. Donc, moi, c'est où que je prends ces informations-là? Si on a besoin d'un visa, de vaccin et autres, c'est là. On en apprend un peu plus sur la culture. Donc, il y a certains pays, par exemple, que c'est recommandé de porter le voile quand on est des femmes dans certains lieux. Donc, ils vont le dire là-dedans aussi. C'est quoi les us et coutumes? C'est le fun d'être surpris une fois arrivé, mais il faut des fois être un petit peu au courant. Oui, c'est ça. Des fois, on n'a pas le choix de se préparer un petit peu. Donc, c'était ça pour Madagascar. Cool. Ça veut dire que ça nous amène aux activités ou aux endroits à visiter bientôt, en janvier. Et que tu connais bien ma chronique. C'est comme si t'en avais fait quoi, 4 à date, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais pas, je pense que oui. Probablement. Ou partir en janvier. Donc, évidemment, l'Asie. Okay. Donc, sans aucun doute, la Thaïlande, le Vietnam. On a aussi la Chine. Donc, les trois pays là, qu'en janvier, allez-y sans problème. Ça coûte pas cher. C'est le fun. Il y a une belle saison. En Thaïlande, on parle autour de 25 degrés Celsius. Donc, c'est super confortable. C'est bien. Bon, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Là. Il y a des petites variations. Là, mais en moyenne, 25 degrés. Donc, les billets toujours autour de 800, 1000 $ pour ces pays-là. La Chine est un petit peu moins chère parce qu'on sait qu'ils veulent développer le tourisme beaucoup. J'imagine qu'on se paie pas nécessairement un billet pour la Corée en janvier-février. Hein? Non, c'est ça. Non, je dirais que ça va coûter non. super cher, j'imagine, non? Je sais pas, ils vont faire leur argent à ces Jeux olympiques, là, clairement, non? Je sais pas. Ouais, ben tu sais, c'est comme la Corée, moi, je compare un peu des fois au Japon dans les prix de billets d'avion. Là, tu sais, c'est quelque chose que, peu importe quand, ça va être cher. Ça va être cher, Même avec les Jeux olympiques, ça va pas être pire, tu penses? Ben, ça risque d'être pire, mais les Jeux olympiques sont quand? Février. Ouais. Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Sûrement. C'est ça, habituellement, plus on attend, plus ça va devenir cher. C'est ça. On va en parler en janvier pour les activités de février. Oui, mais c'est ça. Mais si jamais il y a des personnes qui n'ont pas le choix d'aller en Corée, à acheter le plus rapidement possible, parce que ça va juste augmenter. Et on a l'Australie aussi. Donc, j'en avais parlé, il y en avait beaucoup des personnes, là, des jeunes dans la vingtaine qui désirent explorer le monde et qui partent pendant un an en Australie. Là, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ouais. En janvier, c'est vraiment le bon moment pour y aller. C'est super confortable, on n'a pas les grosses canicules, il y a un peu moins de bibittes qui se promènent un peu partout. Donc, c'est super le fun pour commencer et rentrer au pays. Donc, et on n'oublie pas les classiques des Caraïbes. Ben oui. Donc, en janvier, on s'entend, c'est la période des tout inclus jusqu'en mars. Donc, Jamaïque, République dominicaine et autres, c'est la belle saison pour avoir du soleil. Par contre, au niveau des prix, on s'entend, on réserve le plus rapidement possible parce que des dernières minutes, à moins que vous soyez extrêmement flexible et que vous n'avez pas beaucoup d'attentes, parce que si vous êtes quelqu'un qui a un 2,5 étoiles, ça convient, ben c'est correct. Allez-y dans la dernière minute. Par contre, sinon, là, moi, je vous conseille toujours de réserver le plus rapidement possible pour avoir de la place, puisque sinon, les prix vont augmenter en flèche jusqu'à la fin de la semaine de relâche. Est-ce que tu as déjà visité un 2,5? Pas lors de tes changements d'appartement, mais je parle vraiment d'un étoile, de 2,5 étoiles, 2,5. Non. Non? Non, vraiment, on conseille pas. Ben, comme j'avais dit, Cuba en bas de 4 étoiles, c'est pas recommandé. Là. Non, c'est vraiment pas recommandé. Qu'est-ce qu'il y aurait en bas de 4? Ben, c'est les quartiers. 3. Ouais, on peut 3, 2, 1. Habituellement. Mais souvent, c'est des quartiers qui sont peu recommandables. Donc, ouais, comme j'avais dit, il y a certains hôtels à Cuba, là, si on parle de 2 ou 3 étoiles, mm-hmm, qui peuvent être dans des quartiers où que la prostitution est plus présente. OK, ouais. Dépendamment de ce qui vous attire là, d'ailleurs. Donc, ça, on peut voir. Mais c'est aussi la qualité de la nourriture. Donc, Cuba n'est pas, okay, un pays où il y a grande gastronomie non plus dans les hôtels. Donc, il faut s'attendre à ce qu'en bas de 4 étoiles, si vous avez un estomac un peu de cristal, ça ne fonctionne pas. Oui, c'est ça. Oui, mais le poulet. C'est ça. Le riz est autre chose de base. Donc, c'est ça. En bas de 4 étoiles, Mathieu, ça, c'est non. Okay. Je serais pas fier de toi. Il y a des bébites et sur les planchers et sur les madames. Et dans ta douche. Ça veut rien dire. Hein? T'sais, les bébites savent pas qu'ils rentrent dans un 4 étoiles. Ah, t'as... Oh! Donc, ouais. Pas fou, ça. Ils mettent pas du raid partout. Ben, ils essayent, là, on s'entend. Il y a quelqu'un qui passe un peu plus souvent parce que les étoiles, c'est toujours décerné en fonction des services offerts. Mm-hmm. OK, ouais. Donc, pas nécessairement par rapport au fait que l'hôtel est nouveau ou dont les aménagements, ou si c'est beau. C'est sûr que ça va un petit peu avec, là. Mais les étoiles, c'est toujours en fonction des services. Donc, les croquerelles et autres insectes... Croquerelles. Les croquerelles sont plus grosses que les coquerelles. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai toujours prononcé ça depuis que je suis petite comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est comme les tinénols. Les tinénols? Comment? Les tinénols? Les tinénols. Ah oui, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est des tinénols. Moi aussi, c'était ça quand j'étais jeune. Oui. Mais croquerelles, ça a resté. Ça... Bref. C'est comme du carton. Hein? Ah, non, carton, ça, je sais pas ça. Non. Carton. Carton. Je pourrais pas dire. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Je sais. On parlait plus, de coquerelles, oui, puis des services offerts dans les 5 étoiles versus 4 versus 3. Il y a souvent des plaintes de madame dans des 4 ou 5 étoiles qui disent, là, il y avait un insecte dans ma chambre, et qui sont très, très mécontentes parce qu'ils disent, j'ai payé, blablabla, mais il faut toujours rappeler que l'insecte ne sait pas où il met les pieds. C'est ça. Mm-hmm. Donc, c'est pris en charge rapidement. Par contre, c'est possible que même si vous êtes dans un 4 ou 5 étoiles, qu'il y ait un petit insecte dans votre chambre, ou un lézard, ou autre. Ils ont sûrement donné un petit quelque chose, une soirée gratuite pour ça, parce qu'ils veulent pas avoir de troubles d'image. Peut-être. Okay. Ouais. Le client a toujours raison dans ces affaires-là. Non, n'oubliez pas le petit truc, si vous réservez un tout inclus, n'oubliez pas de dire dans les demandes spéciales que vous faites une demande en mariage de la personne qui vous accompagne. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, okay. Super important pour avoir des upgrades dans les sections adultes, une petite bouteille de champagne qui vous attend quand vous arrivez, des choses comme ça. Mm-hmm. Oui, oui. Je savais pas ça. Mais oui, même si vous êtes deux filles, pas grave, vous êtes une demande en mariage. Ça, 2017, ça va. Toujours. Toujours, là, on met une petite histoire. Ouais. Même si c'est pas le fait. Je souligne que c'est une première de quelque chose. Ouais. J'étais à Las Vegas la semaine dernière, puis j'ai souligné que c'est la première fois que mon épouse y allait, qu'on a eu plein de patentes. Ouais. C'est le fun. Les beaux cadeaux. Ils doivent être vraiment habitués d'avoir comme si tout le monde allait se marier là-bas. Genre, c'est comme ils sont tous des nouveaux mariés. Tout le monde. Ben, c'est pas pour chapelle rien, dans chaque côté. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui y pense à écrire ces demandes-là, puis à dire c'est quoi qui se passe. Souvent, moi, dans les commentaires, quand je faisais des réservations avant de savoir ça, j'écrivais rien. Comme, ben, il y a comme une petite boîte quand tu réserves tes billets ou tes. Pour l'hôtel, ouais, okay, ouais, exactement, là, pour les voyages. Même pour les avions, des fois, avec certaines compagnies aériennes, on peut l'avoir. Donc, c'est le fun. Des fois, il y a la possibilité, je dis bien des fois, là, c'est quand même rare, là, d'aller en première classe. Donc, ça peut être le fun. C'est disponibilité. Puis si ça vous fait pas perdre de grand temps, là, vous écrivez 2 petites phrases cute sur le fait que vous vivez un événement spécial dans votre vie avec eux. Puis, en avion, vous arrivez pas plus vite. Hein? Non, c'est ça. Il met ça au tapis, là, il pince la pédale. Non, mais c'est plus confortable, par contre. Ouais, oui, okay. Donc voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Donc on a parlé de Madagascar et des endroits à partir en janvier. Donc on n'oublie pas l'Asie et les Caraïbes, c'est là qu'il faut être en janvier. C'est super, merci beaucoup Catherine Langlois. Ça fait plaisir. On te retrouve en janvier pour une autre session de chronique voyage, si tu le veux bien. C'est une question. C'est une question rhétorique à laquelle tu n'as pas à répondre maintenant. Exactement. Ben, je vais répondre quand même, ça va me faire plaisir. Yeah. Yeah. Oui. Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain you. Ta-ta-ta-ta. Je te vois avec littéralement un café dans ta main droite, gorgée. Ouais. Bouteille d'eau dans la main gauche, gorgée. Exact. Littéralement, live ouais. là, elle vient de faire le move. Je sais. Gauche, à droite, à gauche, à droite. À gauche, c'est à droite. Ton entraînement, ça? Je me suis rendu compte que, tu sais, toi et moi, Mathieu, on boit quand même beaucoup de café. C'est un sujet de nos vies assez fréquent, un sujet de conversation assez... une passion partagée. C'est ça, passion partagée. Mais je me suis rendu compte que ça déshydrate extrêmement beaucoup. Alors, surtout à ce temps-ci de l'année, ma peau est une peau qui aime pas tant la déshydratation. Alors, j'ai décidé de faire un peu comme quand on boit de l'alcool, boire une gorgée de café, boire une gorgée d'eau, une petite gorgée de café, une petite gorgée d'eau. Alors, c'est pour ça. Voilà, explication. Et je continue sur le même sujet, parce qu'en fait, ma chronique aujourd'hui, une de mes chroniques, porte sur la caféine. Woohoo! Mathieu. Je viens de le dire, c'est un de nos sujets communs. Fétiche. Et il y a une récente... On ressent quelque chose. Non, pas une ressente, mais une analyse qui a été faite, une étude qui a été faite, qui dit que boire 3 ou 4 cafés par jour, ça serait bon pour la santé. Oui. C'est merveilleux, cette étude-là, surtout si vous tripez sur le café, vous l'aimez. Nouvelle religion à partir avec ça. Exactement. Consommer 3 ou 4 cafés par jour, en fait, ça pourrait éloigner certaines maladies et ça permettrait aussi d'améliorer votre santé. C'est une analyse qui a été faite récemment avec plus de 200 études qui ont été réalisées dans le monde entier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré ces études-là, on les a analysées et par la suite, on en est venu à cette conclusion-là que justement, consommer 3 ou 4 cafés par jour, pour la plupart des gens, bien, ça éloigne certaines maladies, ça renforce le système immunitaire, puis ça améliore notre santé. Donc, il n'y a rien de plus cool que ça, je pense. Ben oui. Et c'est une analyse d'études qui a été publiée dans le British Medical Journal. C'est une équipe scientifique qui a travaillé là-dessus. Je vous dirais qu'en parlant du British Medical Journal, je pense que vous pouvez quand même vous fier sur cette récente analyse-là. C'est quelque chose de fiable malgré tout. Donc, un ancien journaliste scientifique et médical de Radio-Canada a expliqué pourquoi c'est bon pour la santé de consommer autant de café dans une journée. Parce qu'en fait, il dit que plus on en boit, plus on a des indices positifs sur notre santé. 3 cafés par jour, en fait, c'est le chiffre magique pour arriver à cette conclusion-là de dire, bon, je suis en bonne santé, ça peut améliorer ma santé, il peut y avoir des effets bénéfiques. C'est vraiment le chiffre à retenir, c'est 3. Donc, ça réduit, en fait, la mortalité de toutes les causes de 10% par rapport à des gens qui n'en prennent pas du tout. Et pour les maladies cardiovasculaires, bien, on parle d'une réduction ici des troubles cardiovasculaires. Attention, de 20% du risque d'en mourir. Donc, ce sont des chiffres qui sont gros. C'est encourageant. Ce sont des chiffres qui sont encourageants. Donc, courez au café le plus près de chez vous. Ça compense le fast-food que je mange. Exactement. Non. En fait, c'est une analyse aussi qui indique que le café n'aurait pas nécessairement d'effet négatif sur tous les cancers, sauf celui du poumon. Ah. On se pose la question encore, pourquoi juste sur lui? Parce que, bon, justement, je le disais, c'est une analyse d'études qui a déjà été faite. Donc, une méta-analyse, une méta-étude. C'est ça, une méta-étude. On a pris les études qui ont été faites, on les a analysées. On n'a pas réfuté ce qui était dit. On n'a pas fait notre propre recherche non plus. Exactement. Mais là, on est toujours venu à la conclusion que le poumon, c'est le cancer qui revient quand même assez couramment dans les études sur la caféine. On se pose la question pourquoi. Et pour ce type de cancer, bien, il existe en fait une espèce de corrélation entre la consommation de café et celle du tabac. Donc, si vous êtes quelqu'un qui consommez quand même beaucoup de tabac, qui fume, la plupart du temps, ça va venir avec un café. Ben oui. C'est pourquoi la plupart du temps... Un café de mauvaise qualité. Bien souvent. Mais c'est, pour le moment, c'est la seule... possible qui pourrait être l'équation des deux qui fait en sorte que justement le cancer du poumon est plus fréquent chez les gens qui vont consommer un café avec une cigarette. Mm-hmm. Mais pour le café tout seul, on n'y voit pas nécessairement de raison autre que celle-là. Ouais. Ça reste à approfondir, bien évidemment, parce que, comme je le disais, c'est pas quelque chose qui a été approfondi. On ne s'est pas lancé sur les grandes études, des grands résultats. Mais en consommant du café, on réduit aussi les risques de souffrir de dépression, d'Alzheimer et de maladie du Parkinson. OK, ben c'est sûr que ça on va shaker comment pareil. Vous shaker, là, oui, c'est ça, exactement. Après 4 cafés, je te dis que je le sens, mon index bouge ben, tout seul. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit 3 cafés, c'est ouais. le chiffre magique, Mathieu, parce qu'il y a quand même une limite aux conséquences positives de cette consommation du café-là qu'on fait sur notre santé, sur notre quotidien. Parce que si vous êtes comme nous, à cette heure-ci, vous avez déjà probablement consommé votre 2e café. Moi, je suis au premier encore. Ah, toi, t'es encore au premier. Non, okay. J'en bois pas avant l'émission. C'est vrai. Y a d'autres facteurs, en fait, qui rentrent aussi en ligne de compte, notamment la génétique, l'alimentation, le niveau de stress. Donc, si on met toutes ces équations-là ensemble et que la plupart de ces facteurs-là sont positifs à la base, vous avez une bonne alimentation, vous avez une bonne génétique aussi et votre niveau de stress est quand même assez bas, bien, c'est sûr que le café va avoir un effet positif qui va être encore plus bénéfique chez vous. Si vous avez, par conséquent, une génétique qui est moins bonne au niveau, par exemple, des maladies cardiovasculaires. Si vous avez une alimentation qui est pas mal moins bonne, vous mangez tout le temps du fast-food, comme tu disais tout à l'heure. J'essaie d'arrêter. Et vous avez un niveau de c'est stress... C'est pas ma mère. Et vous avez un niveau de stress incroyable. Bien, les effets positifs vont prendre beaucoup plus de temps avant de se faire voir ouais. simplement avec la consommation de caféine. Ça va peut-être aussi avoir certains effets négatifs, en fait. Selon le niveau de stress, bien évidemment, et votre alimentation. Donc, ce sont des études qui parlent, ce sont des études qui nous font plaisir lorsqu'on est fanatique, bien évidemment, de caféine. Mais dans quel pays est-ce qu'on consomme le plus de café? Je pensais que t'allais dire « mais », faudrait arrêter. Non, non. Non, non, non. Okay, mais dans quel pays est-ce qu'on... Mais... Brésil. En fait, ce sont les Scandinaves qui consomment le plus grand chiffre de café par année. Et le Canada occupe la 13e position du palmarès. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus haut que ça. Ouais, t'as 10 au moins. Je me dis, le Canada, il fait froid. L'hiver, ça doit compenser pour Tim l'été. Je sais pas, Tim Hortons. Ouais. Mais non, on se retrouve simplement à la 13e position du palmarès. Je trouve ça un peu décevant. Ouais, vraiment. Je croyais que Canadiens, on était forts. Vous me laissez encore tomber. Autre que le hockey. Mais clairement, non, c'est caféine, 13e. Mais tu sais, sur tous les pays du monde, OK, c'est correct. On a une belle moyenne, pareil. Oui, mais... J'aurais préféré un top 5 au niveau du Canada ou même un top 10, 13e position. Non. Bon. Hein, on peut pas faire des miracles non plus. Faudrait juste qu'on en boive plus, à nous deux. Exactement, on va essayer de faire monter la moyenne, ne vous inquiétez pas. Par contre, tout ça, c'est bien beau de se dire que de consommer 3 à 4 cafés par jour, c'est exceptionnel. Ça peut améliorer notre santé notre de vie. Façon exactement positive. Mais qu'en est-il de devenir accro au café? La dépendance. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure en plus avec Sébastien. On a dit que justement le cortex frontal, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on peut devenir accro. La caféine, c'est quelque chose qui est rarement regardé dans les études sur la dépendance. Mais il existe quand même une dépendance à la caféine, sachez-le. Et comment est-ce que notre cerveau devient-il accro au café? C'est une question que je me suis posée. Parce qu'en fait, on va avoir des muscles qui vont être fatigués. On va avoir de l'irritabilité beaucoup plus fréquente, des maux de tête aussi. Ce sont des symptômes qui sont liés au manque de drogue qui concernent également l'arrêt de la caféine. Bon. Bon. Fait qu'il faut juste quand tu commences, faut pas que t'arrêtes. C'est ça? Ouais, bon, toi, t'as une bonne résolution de problème, là. Écoute, arrête pas, tu vas être correct. Excuse-moi, je voulais pas interrompre ta chronique avec une solution, là, mais là... Mon Dieu! Mais comme certains médicaments, comme certaines drogues, la caféine, c'est chimiquement addictif. Ouais. C'est quelque chose, ça a été établi par les scientifiques en 1994. Et on s'est posé la question, justement, comment est-ce qu'on définit le composant principal de la boisson la plus populaire au monde comme étant quelque chose qui est addictif sur notre cerveau. Donc, ce sont des symptômes qui peuvent ressembler à ceux qui sont liés à la prise d'héroïne, à la prise de tabac ou encore la prise d'alcool. Et ce sont eux que vous devriez ressentir en cas d'arrêt de prise de caféine. Donc, si vous dites demain matin, bon, c'est beau, c'est correct, moi, j'arrête le café. Si vous commencez à avoir des symptômes, c'est là que vous allez réaliser que vous êtes accro au café. Peut-être le mal de tête, hein, quand tu bois pas de café. Exactement. Bien, en fait, au fil du temps, il y a un mal de tête qui va être constant, qui va s'installer, et ça va vous empêcher de vous concentrer sur quoi que ce soit. Et finalement, puisque tout votre corps va protester un petit peu contre l'arrêt de la caféine, bien, vous allez pouvoir ressentir des douleurs musculaires, et vous allez pouvoir avoir mal à l'estomac parce qu'il manque de ce chimique-là qu'on connaît si bien sur une période normale de la vie. Vous allez pouvoir avoir des nausées et d'autres symptômes pseudo-grippeux. Donc, vous allez avoir l'impression d'avoir une espèce de grippe à un certain moment. Puis, vous allez faire la relation. Hey, attends une minute, là. Fait combien de temps que t'as pas bu de café? Je sais pas si tu la ferais tant que ça, là. Hein? À moins que t'aies lu cet article-là ou entendu cette chronique-là, je pense que t'aurais pas fait le lien. Moi, en tout cas, je l'aurais pas fait. Ben, moi non plus. Je me serais dit, oh, je file pas ces temps-ci. Ouais. Tu sais, on pense rarement à cette addiction-là pour le café parce que c'est quelque chose qui fait tellement partie de notre quotidien. Ouais. Puis, c'est pas quelque chose qui amène une problématique non plus. Tu sais, parfois, on va dire que l'alcool, lorsqu'on en a une dépendance, bien, ça peut avoir une problématique. On peut devenir très, très une personne différente. On peut avoir des accidents de voiture, comme on le disait tout à l'heure avec Sébastien. Le café... Non, mais le café, c'est parce qu'il est gentil avec nous. Tu penses pas qu'il va t'insulter c'est avec des affaires parce que si tu le consommes de façon quand même assez glorifiante, tu seras pas en faculté affaiblie. Non. T'sais, tu sais, il y a pas nécessairement de problème relié à la dépendance au café comme on a des problèmes reliés à d'autres dépendances. Ouais. Donc, c'est pourquoi ça passe quasiment inaperçu dans les symptômes. C'est qu'on réalise pas que cette problématique-là, elle est quand même là. Mais comment est-ce que la caféine peut créer cette dépendance-là sur notre cerveau? Bien, la raison principale se trouve dans la façon dont la substance affecte justement le cerveau humain. La molécule, c'est quoi? Bien, on crée un sentiment d'alerte dont les buveurs de café sont conscients. Okay. Okay, qu'on cherche, on est avide de ça. Donc, peu de temps après l'avoir consommé, la caféine qui va avoir été absorbée par l'intestin grêle se dissout dans le sang. Par la suite, la substance s'est composée à la fois d'eau, on le sait tous, et ça peut dissoudre aussi dans les graisses. Donc, on est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique et ça va entrer dans notre cerveau de cette façon-là. Ça va entrer par le sang, mais ça va aussi entrer par les graisses. Donc, du point de vue structurel, la caféine, ça ressemble beaucoup à une molécule qui est naturellement présente dans notre cerveau. On parle de l'adénosine. En fait, l'adénosine, comme je le disais, c'est une molécule qui est présente tout le temps dans notre cerveau et c'est elle qui est responsable de la sensation de fatigue. Ah. Donc, la caféine, ça peut s'intégrer parfaitement dans les récepteurs des cellules de notre cerveau et ça va être conçu pour l'adénosine et prendre sa place. Donc, on réalisera pas, en fait, que le café va « kick in », comme on dit en bon québécois. S'activer. Parce que la molécule, elle est déjà présente dans notre cerveau. Donc, on fait juste en rajouter. Ouais. Et la conclusion, c'est que quand les molécules de caféine bloquent certains récepteurs, bien, vont bloquer également la sensation de fatigue. Et ce qui nous stimule pendant des heures et des heures, bien, c'est ce blocage-là. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va devenir accro à la caféine. C'est qu'on va tout le temps vouloir chercher à bloquer cette sensation de fatigue-là, surtout quand on est au travail, par exemple, ou qu'on a une longue route à faire sur plusieurs heures. Bien, justement, on cherche à bloquer cet effet de fatigue-là, y a-t-il quelque chose de plus fatigant que de conduire pendant une longue période de temps dans une température comme on a aujourd'hui? Mmh. C'est fatigant pour le cerveau, mais la plupart du temps, on va vouloir contrer cette fatigue-là. Donc, le café et l'adénosine, ce sont les deux facteurs de l'équation qui vont faire en sorte qu'on peut devenir accro à ce merveilleux petit café. Je me suis dit, Mathieu, qu'on pourrait faire un petit test parce qu'il y a des problèmes quand même qui est relié au café que les amateurs de café connaissent bien. Et je me suis dit, on va peut-être tester nos connaissances en termes de problèmes reliés à la caféine. OK, parfait. Voir si on serait pas un petit peu accro, toi et moi. Ah, j'aime ça. OK, donc... C'est plus fun que le quiz pour savoir si on était remplaçable au travail. On peut pas se passer de café, ça toi et moi, on le sait. Mm-hmm. On peut prendre des allongés, on peut prendre des cafés veloutés, des cafés corsés. Pourtant, on le sait que ça peut faire en sorte que notre estomac va mal filer à un certain moment. Ça peut vider notre compte en banque. Pas souvent au travail, parce qu'on doit le dire, on remercie la Chasse-Galerie de ce partenariat avec nous. C'est ça. Mais le premier problème qui est relié aux amateurs de grands cafés, c'est le problème d'estomac. Oui, je le mentionne souvent, puis on me dit, pas obligé d'en parler. Première question, mais... est-ce que votre tasse de café quotidienne vous fait courir vers les toilettes? Ouais. Il va falloir chausser vos lunettes de détective, en fait, pour savoir si la faute du café ou du lait. Ah, mais je mets pas de lait. Mais on met pas de lait dans notre café. Donc, automatiquement, Mathieu, c'est le café. Donc, certains d'entre nous cèdent de la caféine, en fait, pour aller à la selle. Ouais. Aller à la salle de bain directement. Il y a certaines personnes qui timent leur café par rapport à ça. Ben, exact. Mais les effets stimulants de la substance du café, ça peut aussi causer des crampes, des ballonnements. Et à ce moment-là, c'est une problématique. Tu sais, c'est pas nécessairement avantageux d'avoir tout ça en plein milieu d'une journée. Donc, pour réduire la douleur des crampes, il faut éviter d'avaler notre café sur un estomac qui va être vide. Ah. Oh, on va le prendre plutôt pendant ou après le déjeuner. Ah. Donc, il faudrait, à la base, en partant notre journée, avant de boire notre premier café, avoir quelque chose dans l'estomac. Mais c'est aussi peut-être que vous êtes intolérant au lactose, comme on le disait tout à l'heure avec le lait. Mais ça, c'est une autre affaire. Ça, tu vois, tu me disais d'être détective un petit peu. Ça, j'ai réalisé que les bartendes que je mange le matin ont des substances laitières. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut que je change. Oui. D'après moi, c'est ça qui m'aide pas mal plus que le café. C'est vrai. Ouais. Par la suite, c'est la tolérance. OK. Ça, c'est le prochain point pour savoir si on pourrait être accro, Mathieu. Comme si on se posait la question. Exactement. Votre café glacé, ça vous fait-tu de l'effet? J'ai l'impression que oui. Moi, j'adore ça l'été, je ne bois que ça. Mm-hmm. Mais est-ce que ça te fait un effet de réveil? J'ai pas l'impression. Ben, souvenez-vous que si vous prenez un café jour après jour, ça se peut que vous ayez besoin d'en prendre plus qu'un pour garder le même niveau de stimulation dans votre cerveau. Donc, l'effet stimulant, en fait, de la caféine, ça va diminuer chez la plupart des gens qui en prennent continuellement. Et aussi, le regain d'énergie qu'on connaît au début va tenter à s'atténuer avec la répétition de la consommation. Donc, est-ce que vous avez besoin de plus de café pour pouvoir être stimulé, par exemple, au travail? Si la réponse est oui, vous avez peut-être une problématique à ce niveau-là. La meilleure chose à faire, en fait, c'est de cesser d'en boire pendant certains temps, puis de n'en prendre qu'à l'occasion. Qu'à l'occasion! Écoute, hein, c'est ce qu'ils disent. C'est ça. On va essayer. That's what she said. En fait, il faut surtout observer comment va réagir notre corps quand on va arrêter de prendre du café. Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte si on est peut-être un petit peu... accro. Accro. Ah oui. pour le dire bien comme il faut, là, savoir si vous êtes accro au café, c'est comme ça qu'on va savoir. Le sevrage par la suite. Si on boit régulièrement du café, on va connaître sans doute le mal de tête dont on parlait tout à l'heure qui va nous prendre parce qu'on va s'être levé plus tard que d'habitude ou on va avoir décidé de remplacer notre café par un jus d'orange. Donc, si on a intentionnellement là, l'idée d'arrêter ou d'éviter la caféine, bien les symptômes du sevrage, ça va se faire sentir immédiatement. Mm-hmm. Sachez-le, là, c'est pas quelque chose qui va arriver après 4 jours, c'est immédiat, OK? Donc, vous allez pouvoir éprouver des étourdissements, comme on le disait tout à l'heure, des nausées, et vous devriez peut-être vous rendre chez un médecin, mais des symptômes de sevrage modéré, comme par exemple l'irritabilité, c'est sans danger, OK? Okay? Assurez-vous de ça. À moins que la fille soit violente, ouais, la personne, ça. Ça peut être... Je parlais pas de toi précisément, là. Fiu! C'est sûr que ça peut être perturbant chez la personne qui va décider de faire ce petit sevrage-là. Ouais. Par contre, on parle vraiment là, de nausées, d'étourdissements, de gros mal de tête. À ce moment-là, vous devriez peut-être aller consulter votre médecin parce que ça se peut que vous soyez accro à la caféine et que vous ayez peut-être besoin d'un petit peu d'aide. Mm-hmm. Mathieu? Quoi? Le prochain, c'est la fébrilité. OK. En fait, si on peut, par exemple, se sentir tout à fait bien un jour, puis très anxieux et très nerveux le lendemain, bien, vous pensez peut-être qu'un bon café bien fort, ça va vous permettre de rattraper soit votre mauvaise nuit de sommeil ou de rattraper vos émotions, votre cerveau. Mais en vous chargeant de caféine, vous allez risquer d'accélérer votre épuisement. Okay. Et vous allez risquer aussi d'accélérer votre fébrilité. Ouf! Donc, tu sais, quand on dit « Hey man, t'es bien edge aujourd'hui ouais. », tu sais, t'es vraiment là, t'es up and down, puis voyons qu'est-ce qui se passe, bien, il faut écouter notre corps. Il faut se limiter à 1 ou 2 tasses de café si vous avez tendance à être fébrile et à avoir des palpitations. Mm-hmm. Si, par exemple, il arrive une situation quelconque après que vous ayez bu un certain café, puis que là, automatiquement, là, vous vous rendez compte que vous avez des palpitations, c'est que le café crée chez vous cette fébrilité-là, ça l'augmente, donc il faut tout simplement faire attention, diminuer, on veut pas dire arrêter totalement la consommation de café, là, one minute, mais diminuer. Alterner peut-être avec une tasse d'eau chaude. Ça peut faire beaucoup de bien. Par la suite, un autre problème que les amateurs de café connaissent quand même assez bien, c'est la langue brûlée. Ah ben là, ça c'est la maladroitesse. Oui. Non, exactement. C'est pas nécessairement pour savoir si vous êtes accro de ce côté-là, mais c'est un problème que les amateurs de café connaissent quand même assez bien. C'est une tasse qui était beaucoup plus pleine, par exemple, qu'on l'aurait cru. On a pris une bonne gorgée par inadvertance et maintenant on a la langue brûlée et le palais brûlé aussi. Donc il faut vite attraper une bouteille de lait. Oh! Froide, 2% ou ordinaire, et vous allez faire deux choses. Ben, en fait, vous allez la boire. OK, à même la pinte, c'est ça? Exactement. Ouais, ben ouais. Oui, surtout, là, on prend pas le temps de boire, prendre un verre. Ben, c'est chaud, c'est chaud. Mais le lait va faire deux choses, en fait. Le lait va apaiser la douleur et le gras du lait va envelopper les parties qui sont sensibles. Donc, on va apporter une certaine protection à votre bouche à ce moment-là. Donc, gardez en tête que si vous vous brûlez avec un café, la solution, c'est une bonne gorgée de lait. Eh ben. Je savais pas ça. Moi non plus. Puis pourtant, c'est quelque chose de merveilleux. Ça, ça rend la chose beaucoup plus simple à comprendre de cette façon-là. Mais pour ce qui est de votre addiction à la caféine, mesdames, messieurs, gardez en tête que le chiffre, c'est 3 ou 4. Ou 4. Genre, c'est le ou 4. C'est ça, exactement. Gardez en tête que c'est comme l'alcool. Vous pouvez être accro de la caféine. Ben oui, mais il n'y a pas de Société du café du Québec. Mais non. Ben non. Pour l'instant... Mais faites attention à votre santé. Oui. Parce que ça peut avoir des effets négatifs quand même sur votre santé. Et si vous abandonnez le café, ben venez nous les porter. Oui, c'est ça, exactement. On les prend généreusement. C'est ça. Merci beaucoup, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour Assemblage Reiki édition week-end. On se retrouve lundi pour une autre semaine d'Assemblage Reiki. Du lundi au vendredi de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches dès 15h pour Tania Baudin et moi-même, Mathieu Plante. Merci d'avoir été à l'écoute. Bon week-end et à lundi.